Alors, pour une centième fois ce soir, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast, une émission populaire et impopulaire de la balado-diffusion québécoise, francophone, Montréal et Lavalloise. Ce soir, mon nom est... Ton nom est... T'as-tu déjà oublié ton nom? Tu changes de nom à soir? Non, mais je m'en allais l'avoir straight pipe, puis c'est pas un podcast, je scrappe pas l'intro au moins une fois. André Paquette, votre humble animateur, accompagné ce soir de M. Maxime Gagnon. Salut André! Comment ça va mon cher? Ça va très bien, et toi-même? Ça va super bien. Hey guys, on est 5 à soir. Ça fait beaucoup. C'est une première, faut mettre pense. Un check sur le calendrier. Non, c'est pas une première. C'est pas une première, mais non. Ça fait un nasty de bout qu'on n'a pas été 5. Puis c'est le premier que moi je fais avec Max aussi. Donc on vient de prouver... Quand, c'est quoi le premier? L'autre, c'est... Je me souviens plus, c'est les épisode. Deux s'en souviennent pas. Non, c'est ça, on s'en souvient plus. Là. Je me parlais de Forerunner, moi, je m'en souviens. Puis tu m'ostinais sur le fait que ça avait l'air de la Bushido. Je me souviens plus quel jeu. Bushido. Ah, oh, Bushido Blade. Ok, Bushido oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Ok, je m'en souviens. Fait que le deuxième. Deuxième, je m'en reviens même plus. C'est pour ça que je suis entre les deux à soir pour les séparer au cas qu'ils se repognent sur Forerunner. Vu que ça rappelle plus, c'est sûrement une soirée qui est très chouette. C'est le show que j'avais dit. Mais en plus, c'est le show que j'avais dit que Forerunner, ça va être le meilleur jeu jamais sorti de Ubisoft, le plus populaire. Ça va changer l'e-sport pour toujours. Et c'est jamais été le cas. Ah, mais ils ont quand même fait un documentaire. Là, ouais, je l'ai vu hier. Ouais, mais. En quatre parties. Attends, 2018. Hein, ça ok, va être fait que Max. Oh! Fait que Max, il est là. Fait que Max, il est là. En même temps qu'Eric. Oui, bonjour, moi, c'est Eric, mais à ma gauche, il y a. Il y a. On t'en regarde. Ça dépend, ta gauche ou la gauche du monde qui. Qui te regarde. Qui te regarde. Sa gauche. Sa gauche. Ta il y a moi. C'est quoi? D'après quand faut que je me présente moi-même? C'est vrai, hein, t'es habitué. Ok, excuse. Si, je, bon, hein? Je vais pas te sortir de ta zone de confort, Milter, faut l'encadrer. La princesse Milter. Non, mais je suis comme... Donc, sur ce, accompagné également de Jonathan Milter. Bonjour. Salut. Bon. Comment ça quand va, on vous dit que Jonathan très était bien, tough, très là, bien. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, là. Un peu enrhumé, mais c'est ça, avoir une armée d'enfants. Excellent. Enrhumé, un peu excellent, non? Chris, c'est quoi, t'as-tu une culture du rhume chez vous? Ben, quand il y a quatre enfants, puis tu sais, ça roule, là, genre, elle est comme tout le temps active. Puis elle se mutation. En quelque part. C'est ça, dans le fond, fait qu'il y a comme six souches de grippe. Elle devient plus en plus forte, en fait, chez Joe en rotation. Le ministère de la Santé va chez Joe prendre des prélèvements pour faire exact. Ses vaccins. Genre. C'est avec ça qu'ils font tout ça. Puis il y a le pink eye. Oui, oui. Moi, ça va être magique ce soir. Ben, c'est un centième épisode, ça l'est pas. Ça risque d'être vraiment popé. Accompagné également de Guillaume Hamel. Rebonjour. Rebonjour. Parce que rebonjour, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été là quand même. Exact. Toi, Guillaume, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Moi, comme une vieille série télé à Radio-Canada, la vie, hein. Puis t'as manqué notre dernier show. Ben moi, j'ai, depuis qui vient que, de sortir. On a eu le nouveau studio, j'ai été là deux ou trois fois seulement. à cause de justement l'horaire de la vie. Mais on a juste fait comme quatre. C'est ça, t'as pas manqué grand chose parce qu'en réalité, il y a juste deux épisodes de sortie depuis. Ouais, non, mais c'est parce que les autres sont pas encore. Ouais, c'est ça, les autres sont pas encore sortis, mais en effet, j'ai fait ça avec Max. Je pense que j'ai tout fait ça avec Max à Sainte-Marc. Oui, effectivement. Mais pas mal ça. Sinon, ça va bien. Content d'être là. Les épaules plus légères un peu. Moins de pression. Ben, j'ai changé de job, je viens de finir ma probation, je me suis pas fait slacker. Moins d'oppression ou de pression? Ah. Mais ça dépend, c'est relatif, parce que là, il a fini sa probation. Fait. J'étais pas sûr. L'oppression va augmenter, mais la pression va diminuer. Là. Peut-être, en effet. Mais non, donc la stabilité se place, se replace, revient. Le bébé grandit, donc c'est un peu plus gérable, comme on dit. On fait des nouvelles? Il me demande qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Je donne la chance de jaser pour petit show. Il a parlé deux minutes, à peu près en six mois dans le micro. Ben là, oui, exact. Je casse la glace avec. Mais non, on a la chance ce soir, guys, de faire la centième, non seulement avec des amis et des proches, mais on est également aussi dans des beaux locaux. Hein. On est chez Geek Stuff sur le boulevard de Laurentides à Laval. Merci de nous accueillir à Geek Stuff. On va avoir des beaux prix de présence. C'est vrai, j'applaudis moi aussi. On va avoir des beaux prix de présence tantôt à faire tirer, autant pour le monde qui sont dans la salle que le monde qui vont être en ligne. Fait que stay tuned, il va y avoir des belles affaires à faire tirer. Probablement des toys. Je dis ça de même, mais magasin de jouets de Transformers de Cossin. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller chez Geek Stuff, venez faire un tour. Honnêtement, ça vaut le détour. Il y a beaucoup de nostalgie dans Depuis dans la que place. Le Geek Stuff est ouvert, Laval a comme plus d'importance. Comme c'est moins kitsch, genre à Laval, depuis que le Geek Stuff est ouvert. Aussi, il a influencé, il rénove le Cosmodôme. Oui, en effet. Ils refont tout le stationnement puis tout. Il y a du Stark site à soir, là. Auteuil, c'est le. Comment on dit ça? La locomotive de l'évolution économique du Québec. Ouais, c'est vrai. Et tabarnak. Puis j'ai vu la pizzeria qu'on pognait des pizzas de quand on faisait des recs chez parents André. Domino's. Ah, t'es passé devant Place Vimont? Mais ouais. Place Vimont représente. Meilleure pizza à Laval. Je suis là, je spot les SO qui avaient jamais de bière. La pizza avec le spaghetti dedans, ça, je pense, hein? Non. Ça, c'était à Val d'Or, ça. Non, mais il y en avait une à Vimont qui faisait ça. Loin, ça. Honnêtement, Place Vimont, là, c'est quoi la maison... fucking dans le bout de Bourbonnière puis Masson, il y a une place de pizza là, chez la mère. Ah. Place du Mont, c'est comme la mère de Laval. Fait que mais mieux. La mère là, c'est la place où ce que quand ma femme Julie qui est dans la place quand elle travaillait de nuit, elle m'appelait des fois le matin. C'était comme veux-tu une poutine ou quelque chose comme ça quand je veux rentrer de la job. Ouais, OK, elle arrivait avec les hot dogs puis la poutine de chez la mère. Dans le fond, c'est elle qui en voulait une, mais... On en voulait toutes une, là. Hey, guys! Fait que on va avoir un show spécial ce soir, en réalité. C'est un show où on va discuter, on va faire quelques déclarations. En réalité, c'est la centième, ça fait 5 ans, 100 épisodes. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il y en a 97 de disponibles présentement. Il y a une raison pour ça, mais on l'a déjà expliqué dans plusieurs autres épisodes. Fait que c'est pas grave. Si vous commencez à 100 dans un direct, ben vous allez avoir bien du back catalogue à aller écouter. Il n'y a pas de chronologie, là. C'est... Ben, à part les chiffres dans les épisodes, honnêtement, il n'y a pas. C'est, pas important, c'est tout d'actualité, c'est tout le fun. C'est tout. C'est comme écouter MacGyver, là. C'est pas grave, là. Si tu commences par un épisode à la fin, puis tu reviens au début. C'est ça. Tu sais qu'il va sortir un trombone un moment donné. Exact. Il n'y aura pas de problème. Là. Ça suit pas, tu sais. Fait qu'en réalité, ce soir, on va vous faire quelques déclarations qui ont probablement jamais été faites dans le show. Parce que moi, ils ont déjà été faites. Est-ce qu'ils ont été faites avec autant de profondeur que non, ce soir? Non, puis en plus, pas autant de contexte intéressant. Ça, c'est génial. Donc, avant de débuter ça, on va faire un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les gens autour de la table. Donc, les collaborateurs, Milter qui cache sa bière par un product placement. Je suis pas commandité. C'est ça, exact. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous ces temps-ci, messieurs? Moi, je vais commencer un peu. Là. J'aimerais faire un petit compte-rendu vite fait. Quand j'étais allé au Mega, j'avais fait un tour au Mega pour le festival de... C'est quoi encore? Y'a-t-il quelqu'un? Le Mega quelque chose, arcade, jeu, blablabla. Bla, bla. Arcade, ouais. Mega 2017. Le nom, il a été figuré à la dernière minute. Je sais pas c'était quoi l'affaire. Mais l'événement, c'était peut-être une des plus grandes surprises que j'ai eues dans les événements de jeux vidéo à Montréal depuis longtemps. C'était la première fois que j'allais, puis en fait, j'étais allé avec ma femme, ma petite sœur, ses enfants, ma petite sœur, mes deux neveux. Ça finit avec juste moi puis mon neveu le plus vieux, Félix. Nice. Parce que les autres, ben, les jeux vidéo, ils trouvaient ça plate. Fait qu'ils sont allés au bord. T'as partagé un bon moment, pareil. Fait que moi, j'ai passé toute la journée avec un petit garçon de 6 ans qui tripe jeux vidéo, qui a pas vraiment accès aux ordinateurs à la maison. Ma sœur, elle essaie de limiter son exposure aux jeux vidéo, mais quand il est avec moi, j'ai carte blanche. Mais là, on avait l'ultime carte blanche, puis on a vraiment, vraiment fait le tour. Lui, il a capoté, il était mon guide pendant toute l'affaire. J'ai vu vraiment plein de choses, tellement, comme je pourrais commenter sur toutes les belles surprises que j'ai vu, tu sais, comme voir un jeu comme The Messenger dévoilé par, comme même pas officiellement dévoilé, un genre de 8-bit Ninja Gaiden moderne où ce que tu voyages vraiment dans le temps de les graphiques, tu commences en 8-bit, puis après ça l'histoire l'arrête, tu vas 30 ans dans le futur, puis c'est en 16-bit, puis comme plein d'affaires. Il y a déjà eu un jeu de même au 360. Ouais, mais il y a Evo au 360. Un shooter game, là, je me souviens plus. C'est quoi, c'était de la merde, là, mais... Max Damage ou quelque chose comme ça, je sais de qui tu parles. Ça commence en Doom style shooter, puis après après ça finit en Splinter Cell. Ouais. Dans le temps que Splinter Cell était hot. Mais ça, c'est juste un platformer bien simple. Mais je voulais vraiment mettre un emphase sur l'événement puis qu'est-ce que ça représente pour Montréal. On était très chanceux d'avoir des passes médias pour cette affaire-là. Certainement. Le monde en charge de l'événement sont vraiment, vraiment cool. Sont ouverts à tout le monde. Il y avait une petite section e-sport. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'était l'effervescence de qu'est-ce qui se passe à Montréal dans les jeux vidéo. Je pense que c'est quelque chose que ce festival-là, il a vraiment démontré. Puis il était déjà en train de parler. J'ai eu la chance de parler avec Julie Gagnon un petit peu, qui était en charge des communications de cet événement-là. Tu voyais déjà qu'il était tout primé puis hypé comme ça n'a pas de bon sens, qu'il y a peut-être une bonne chance qu'il y ait une deuxième édition déjà. Tous les petits studios de Montréal étaient là. EA, c'était drôle parce que EA était là, c'était carrément comme deux jours après le vote le plus détesté, le message le plus détesté de l'histoire. De, par rapport à Reddit. Ouais, par rapport à Reddit, là, où il y avait, je pense, tu sais, comment est-ce qu'il faut qu'on soit... fier de grinder 45 heures pour débloquer Darth Vader. Mais l'opinion des gens non, de non, Reddit... Non, mais je veux pas partir sur ça. En partant. Moi non plus, je parle mais, de Reddit. Mais EA était là avec leur playtest. EA playtest ou la gang qui... Je pense que EA Montréal, maintenant, c'est rendu juste une place de playtest. Rest in peace, Andromeda. Mais c'est pas mal sûr que c'est ça que c'est. Mais EA était là, on t'a juste donné des jeux. C'est l'anecdote pour moi vraiment de cet événement-là. À part que ce soit un événement écœurant avec plein de kiosques, il y avait Tribute Games qui était là, il y a comme plein de studios de fous qui étaient là. Fait que la méga corporation... Il y avait Tribute puis des studios de fous. Donc Tribute, c'est pas un studio de fous? Non, c'est plus que je m'en rappelle pas de tous les noms. Okay, il y avait Borealis. Ouais, Borealis qui était là. En fait, la chargée de communication de Borealis, j'oublie son nom, mais je fais pas de trek avec cette gang-là demain. Classy. Ouais, c'est assez drôle. C'était qui d'autre aussi, je m'en allais Outer Minds, la gang de Giz tout ça, nice. Là, qui était là en train de monter leur jeu. En fait, il y avait Tadpole Tap sur un gros écran touchscreen que je trouvais écœurant, mon petit neveu il a joué ça au bout, mais EA, la fille était là deux jours après la pire affaire de PR de l'histoire de EA, mais peut-être pas la pire, une des pires, mais elle avait juste une affaire qui roulait, puis t'avais une chance sur... C'était tellement l'affaire la plus c'était weird, comme The Price is Right, c'était tellement weird là, t'as juste une fille qui est là avec plein de jeux de EA en avant d'elle. Puis, t'arrives là, tu mets ton email pour t'inscrire au EA Playtest, que en passant, je fais un playtest dans deux semaines avec eux à cause de ça, que je vais pouvoir choisir un autre trois jeux de EA. Merci, EA. Wow. Ouais, c'est vraiment weird. Leur affaire. Demande des codes digitales, ce coup-là. Mais et là, attends, ouais, excuse Milter. Milter, il est triste pour ça. Ben là. Mais tu tournais l'affaire, puis t'as juste la fille qui est là en train de tourner l'affaire, puis t'avais... C'est elle qui tourne pour toi? C'est toi qui tourne. Phew, au moins. Mais pour elle. Pour nous. Mais tu pouvais gagner des affaires cool. Tu pouvais gagner une lanière. Tu pouvais gagner un sac EA. Tu pouvais gagner un macaron. Attends, c'est quoi une lanière? Tu sais que c'est lanière de clé. OK. Un petit sac de EA. Je pense qu'il y avait un t-shirt de EA. Puis ton choix de n'importe quel jeu de EA. Même les jeux tout récents, incluant Battlefront 2. Y avait-tu des vieux jeux de Sega? Non. Ah. Non. Ben non, mais avec la petite épinglette jaune de ben ce ouais. côté là, ouais, non. J'avais pu. Sketching. Sketching. Road Rash, les Rollerblades. Il dit n'importe quel jeu, tu sors ça, puis comme gars, le fausse représentant, tu pars en tabarnak. Mais qu'est-ce qui était drôle de l'affaire, c'est que tu vas gagner lanière, t-shirt, macaron ou un jeu de 80$. Fait que tu tournais l'affaire, puis là, la fille, moi je tourne, puis ça tombe sur Wild ou Joker. Puis là, j'étais comme, ah, fuck, okay, j'ai pas gagné mon jeu. J'étais comme, c'est quoi Joker? Elle dit, ah! Calvino Valin, il est sorti. Non! C'est là où elle me dit, ah, ben, tu peux choisir de toutes. J'avais le choix de toutes, les lanières. Je vais prendre le macaron. Yeah. Le macaron, etc. Mais je m'ai pris Battlefront 2 parce que je l'avais juste pogné en EA Access. Là. Je jouais un peu sur EA Access puis je m'amusais. Là, mis à part le drame, j'aurais jamais mis de l'argent. Mais avoue, t'aurais pris genre un macaron ou de quoi, puis tu regardes juste la fille puis tu fais fuck vous m'aurez yeah. pas avec vos astis de microtransactions, puis tu t'en vas, genre. En fait, quand j'ai choisi Battlefront. Je le choisis, je regarde la fille bien sérieusement, je suis comme, fait que j'ai Battlefront 2 gratuitement, puis elle dit ben oui, puis elle me le donne, puis en plus l'édition à 100$ en plus, là, que je trouvais wow. Deluxe Edition. Ouais, le Deluxe Edition. Fait que là, elle me donne ça pour 100, puis là, je suis comme, ah, je suis cool. Fait que là, ben c'est cool, je l'ai gratuit, je pourrais mettre 100$ ces microtransactions. La fille, elle me regarde, elle dit, Mais c'est parce qu'il y en a plus. Ils ont enlevé. Je suis comme, ah, fuck! Mais elle sait plus quoi faire. Mais ouais. Mais au moins, déjà là, c'est mieux que, tu sais, si c'est une firme engagée, puis tu lâches ta joke, puis la personne te regarde, puis regarde, ah non, elle là, là, sur l'autoroute. Là. Elle s'en calissait, là. Tu pourrais y en dire, là, n'importe quoi, ce EA, là. Could not care less. Elle est là pour donner des jeux, puis plus qu'elle en donne, moins qu'elle en rapporte ce soir. C'est ça. Fait que. Mais c'est ça. Anyway, tu peux choisir de tout. J'ai pris le Battlefront. C'était tout bien le fun. Le méga excellent. J'espère vraiment qu'on ait une deuxième édition dans un local plus grand parce que le marché Bon Secours, c'est une place un peu weird d'avoir des événements. Ouais, première édition. Mais pour la première édition, c'était écœurant. Il y avait plein de jeux. Mon neveu capotait. Puis juste pour boucler toute l'histoire, un des meilleurs moments où ce que j'ai passé, comme j'ai passé une belle après-midi avec mon petit neveu, un des meilleurs moments du tout. C'était mon petit neveu qui, en marchant dans le quartier latin, en plus, après, juste nous deux, il fait juste sortir out of nowhere et dit « Mon oncle Eric, tu sais c'est quoi que j'aime plus que des jeux vidéo? » Oh. Là, je suis comme « Toi. Le sugar. » Là, il est là, il dit « Des festivals de jeux vidéo. » Oh! Fait que, dans ouais, tes dents, mon oncle, hein? Ouais, ben, moi, je sais déjà que je suis top of the list, là. Mais y en a-tu d'autres? Ouais, ça, je m'inquiète pas pour ça. Mais de toute façon, tout ça pour dire que c'est une édition incroyable. Je remercie beaucoup l'organisation de nous avoir donné des passes pour ça. C'était vraiment le fun d'aller poser des questions avec ma passe qui disait média, puis à chaque fois que je posais une question, t'avais toujours comme quelqu'un d'autre qui venait au lieu du dude que je parlais avec pour me dire plein d'affaires que je m'encore disais. Ok, le PR rep, là, que c'est genre... Ouais, c'était quand même drôle. Mais c'est ça, plein de choses. Ça m'a inspiré aussi l'industrie du indie à Montréal. Moi, j'espère percer peut-être d'une manière ou d'une autre dans ça, dans le futur, dans un rôle ou un autre, puis aller voir toutes ces affaires-là, puis jaser avec tout le monde dans le milieu. Je me sentais vraiment comme chez nous, là, puis je me disais qu'un jour, j'aimerais ça énormément d'être le gars qui est debout en avant d'une place en train de fucking essayer de pousser un jeu weird, expérimental. Une roue, puis de c'est ça. Tu pourrais te dire, c'est que tu vas être le prochain Giz de l'industrie de jeu indépendant. Non, Giz, pas ça, Giz, c'est Giz. Je veux pas être le prochain Giz, je veux juste être rôle, un... Il est comme le, il y a des idées, il y a des concepts, il, est le, il va mais Giz, ah, le Giz, gars de Joke fond... de papa, tu parles? Ben, le gars de Other Minds. Ok, j'étais pas sûr. En tout cas, Giz, il fait sa propre affaire, puis oui, on l'aime bien. Pas puis... limité, mais d'avoir un rôle similaire, c'est ça que je veux dire. Ben, Giz, je sais pas, je pense que... C'est quoi le rôle de Giz? Y'a-tu quelqu'un qui... Il est business manager pour... Puis oui, ça, c'est quelque chose que je serais confortable à faire absolument dans fait, un genre de il fait rôle. Du, mais... puis dans le temps, c'était... Avant, il était Twitter... Ouais. En tout cas, il y a un Audi, ça va bien. C'est quand même un step up. Community manager, business manager. Ouais, ben c'est ça. Anyway, c'est tout ça pour dire que j'ai aimé l'événement. C'était vraiment hot. Puis j'espère vraiment la deuxième édition. Puis c'est le fun, l'industrie de jeux vidéo à Montréal. Là. Les grosses compagnies comme EA, Ubi, tu peux chialer sur toute leur crise d'affaires qu'ils essaient de faire pour faire plus d'argent, pour mettre d'autres argent dans d'autres jeux. Mais toutes les retombées de tout ça va beaucoup plus loin. Ça va de des personnes qui stand puis qui a le fondé des tributes puis qui a le fondé des Outer Minds. Puis c'est vraiment ça. C'est ça, ça prouve que le système fonctionne. Puis c'est quelque chose qui est vraiment nice. Fait que dans le fond, tu t'aurais dit que les grosses compagnies sont là pour mettre le monde à bout pour qu'ils aillent se partir des compagnies. Oui, mais ben, ça fait partie de ça. Moi, j'accepte ça. Je trouve que c'est une bonne affaire. Il y a du monde qui sont confortables à tweaker des sourcils pendant 3 mois de temps. Puis il y en a d'autres. Ben, je sais pas, là, je dis de la merde, là. Tu parles d'épiler des sourcils? Non, de travailler des sourcils. Non, dans un jeu, faire des textures. Quand tu veux que tes sourcils soient bien faits dans le jeu avec la vente. Nos esthéticiennes du Québec, Eric. C'est correct. Tu sais, le rôle qui a pas été comblé dans Andromeda, là, ça, là. C'est ça. Nous autres, c'est pas juste des sourcils qui épilent. C'est pas juste des sourcils de problème, je pense, là-dedans, par exemple. En tout cas, bon, méga, fucking awesome. Gros shout-out à Julie Gagnon, une des meilleures PR de communication qui existe. Puis on a bien hâte à la prochaine. C'est ça, c'est juste ça que je voulais dire. Je vais essayer d'être là à la prochaine. Oui, ah, on va tout essayer d'être là. Je vais essayer de poser mes tires d'hiver d'avance à la prochaine. Comme ça, quand il y a de la neige, puis je reste dans le fin fond. Il y avait un ouragan. Ok, ça, c'est la partie hivernale. Que les gars, ils inventent leur excuse pas qu'ils sont pas venus, mais c'est correct. Là. Non, mais. Ok, anyways, on continue. Méga, on va revenir à EA tantôt, mesdames et messieurs. J'en doute pas. Même pas. Qui veut enchaîner, messieurs? Je vais y aller, moi. Vas-y, Guy. Côté actualité, ça a été plutôt calme, honnêtement. Sacrement, t'avais 6 mois pour ramasser de l'actualité. Mais c'est ça, avoir un bébé à la maison, une nouvelle job et plein de choses. Je travaille beaucoup sur cette fois de l'actualité, mais en arrière-scène. Mais sinon, côté gaming, j'ai quand même pu jouer beaucoup. Je m'étais pogné Wildlands en spécial. J'ai joué quand même pas mal. Je dois être rendu une game de pas loin de 100 heures. Oh, j'ai fini d'acheter des jeux plein prix. Hein. C'est fini. Ouais, j'ai pas payé plein prix. Ajoute-moi plus un Forza pour ma fête, bébé. Hein. Ça devient à 40$ deux semaines j'avais après. J'avais précommandé Battlefront 2 à la prévente Amazon. Good move. Que j'avais comme payé des pinottes. Et je joue lentement, mon rythme. Je sais pas comme Max qui a déjà tout fini, mais je joue à coup de 1 heure ou 2 par semaine. Encore une fois, à cause de la vie de bébé à la maison. Putain, ça dort beaucoup à cette heure-là. Ouais, mais pas tout le temps. Tu sais, quand à un moment donné, tu pognes ton rythme, elle dort, t'es comme tout content, puis la semaine d'après, ben, c'est ouais. Je me réveille dans à 4h du matin. Ouais. Puis non, c'est ça. C'est que t'essayes de pas trop abuser. Sinon, ben, tu sais, pas mal, très beaucoup sur des projets de site web. On essaie d'avancer, d'améliorer la grosse patente. Puis c'est très, très routinier et pas très. Fait un bout, je suis pas été chez Arcade. Je suis dû pour aller chez Arcade. Bon, ça y est. C'est juste normal que ce soit ma femme qui fait ça parce que c'est moi qui le fais tout le temps. Le monde on est en train de se faire hacker. Watch out le feedback. Mais non, c'est pas mal talking, mais on en profite pour faire du backlog de jeux vidéo. C'est pas mal ça. Puis on aussi faire du feedback une fois de temps en temps. Là. Du feedback? Ben le feedback, le retour de son. C'est ça, okay. C'est une bonne joke, moi, je trouve aussi. Cool, c'est bon, ça. Fait qu'en 6 mois, en réalité, c'était dodo, boulot, puis Ghost Recon Wildlands. Jeux vidéo, un peu de jeux vidéo, ouais. Ah, nice, c'est du bon sujet. Ah, puis j'ai pleuré quasiment une larme au complet quand Marvel, Heroes 2017 a été shut down, de Gasoline Entertainment, parce que j'avais genre 200, quelque chose. Y a-tu vraiment été shut down? Gasoline Entertainment a perdu son contrat avec Walt Disney. La semaine d'après, ils annonçaient que le jeu allait être shut down le vendredi de la semaine même, puis ils ont crissé tout le monde dehors. Puis c'est genre même pas 6 mois après qu'il a été sorti à console. Ouais. Un studio de jeux vidéo a fermé les portes, crissé tout le monde dehors 6 mois après la sortie du jeu. Mais non, parce que le jeu, non, mais le jeu 2013, tu peux plus jouer. Sorti en console cette année. Il y a 6 mois. Puis ils ont perdu leur contrat. Disney a pas renouvelé le contrat avec eux autres pour la licence de Marvel, puis ils ont tout. Si seulement Disney connaissait un développeur si de jamais jeux vidéo y a des gens pour rentabiliser des jeux. Qui veulent avoir plus d'informations, il y a eu un épisode de Kind of Funny avec un des programmeurs du jeu, un des employés. Là, ouais, t'en avais parlé une couple d'épisodes passés. Puis, c'était quand même une belle candeur, c'est l'entrevue en question, puis c'est triste un peu, mais c'est arrivé, je pense, tout a été shut down comme la semaine avant Thanksgiving. Américain. Sacrement, me semble, plus tu parles, plus c'est triste. Oui, non, c'est fucking triste. Enfin, ils sont chiens, il est mort. Ben, c'est exactement ça. C'est le pire, c'est que le gars, son chien, comme, il est malade, puis ils ont fait un GoFundMe pour payer l'opération du chien. Attends, pour vrai, là? Oh oui, puis la fille, elle a eu le cancer, sa femme, elle a eu le cancer, genre. Quoi? Oh oui, c'est une astuce d'affaire. Ben, mais il y a Chuck, une idée de jeu vidéo, là, quelque part. Chuck, il y a un autre fan de. C'est kind of funny aussi, mais honnêtement, le gars, il reste up la vie malgré tout, là. C'est comme shout-out au dude, là. Mais c'est que tu vois que... GoFundMe, c'est d'aller directement à l'alcool. Ouais, exact. C'est pour ça qu'il doit s'appeler. Mais tu sais, on chasse souvent sur Ubisoft, mais à Montréal et tout le tralala, là, mais on voit qu'il y a quand même une grande stabilité dans le jeu vidéo à Montréal. Nous autres, quand tu dis « on », tu peux dire « c'est ou le la peuple en général, okay. C'est Geek, Gamer Gamers Québec et compagnie. Tous les meilleurs groupes de références. J'ai pensé dit que j'avais des drops. On a une, infect. Mais ouais, non, c'est que il y a beaucoup plus de stabilité, je trouve, ici, qu'il peut y en avoir ailleurs aux États-Unis, parce que des fois ça pop out de même, puis le monde se retrouve cul à terre. Ouais, mais c'est une loi des grands nombres, genre il y a plus de studios, il y a plus de monde, fait qu'il y a plus de chances que ça peut arriver, ou. Ben, ça dépend, c'est sûr, quand ton studio est basé exclusivement sur une licence qui appartient à quelqu'un d'autre, t'es un peu, tu sais, mal chié si la personne décide de pas renouveler. De fermer la Switch. Surtout là. Quand ton jeu, il est pas si hot que ça. Quand tu travailles pour une compagnie qui est propriétaire de ses propres licences, exemple Ubisoft, ben au moins, tu sais, t'as une certaine stabilité. Ouais. Malgré tout, là, c'est jamais parfait. Ben, tu dirais ça à EA Montréal. Une plus grosse décision. No comments. Okay. Hey, mais permettez-vous, d'habitude, je vais tout le temps dernier, mais là, vu qu'il parle de jeux de super-héros, j'aimerais ça peut-être enchaîner avec... Ben go! J'ai acheté South Park, The Fractured Butthole, au PS4 pendant le Black Friday. J'espère que t'es allé blanc. J'ai commencé blanc. Ouais, ça change, Pro tip, man, white privilege, ça l'aide. Jeu fortement intéressant. Premièrement, les gens qui ont joué ça, ben un jeu distribué par Ubisoft... Fait que c'est un jeu de pour un peu dans le même genre que The Stick of Truth où on C'est un genre de RPG avec des combats à la Heroes of Might and Magic où skin grid, on se promène, on fait des activités, etc. Ça a clairement pas le même art. French pas, les gars, comment? Sacrament! Au moins j'ai une audience qui sont là pour moi, je pense. André, on t'aime! Merci! Ah! Fait que non, c'est ça, fait que jeu de rôle dans l'univers de South Park. Fucking wrong comme jeu. Puis beaucoup de moments où je riais en me retournant et en regardant ma blonde en me disant genre, vas-tu me faire juger parce que je ris? C'est-tu correct? Ça va-tu? C'est, fait que pourquoi? C'est... Fait que tu l'as live streamé ça? Non, pas encore. Pas encore. Honnêtement, non. Ouais. Mais juste vous mettre en contexte, il y a une des premières émissions, puis c'est tellement. Ça envoie des messages qui font réfléchir. Non, mais c'est du South Park. C'est du South Park, mais South Park, ils ont jamais, ils ont tout le temps un tire dans gravel, puis ils avancent avec ça. Là. La première mission, la police t'envoie arrêter un dealer de drogue. Là. Il y en a qui vont dire spoilers, ben achète-les et joue, Chris. Fait que tu t'en vas arrêter le premier dealer de drogue de la ville. Fait que tu rentres, puis c'est une maison, puis il y a des cadres d'une famille, puis il n'y a pas de seringue, il n'y a pas rien, c'est propre, c'est beau, il n'y a pas de problème. La famille est foncée un peu, j'ai le droit de dire ça, je pense. Puis tu rentres dans la cuisine, puis il y a un homme qui fait la vaisselle. Tu sais, puis il y a des pantalons kaki, puis tu sais, il est habillé comme d'une annonce de Gap. Puis ils ont un esclave. Mais. C'est une question, j'ai pas joué. Non, c'est le propriétaire de la maison qui fait la vaisselle. C'est rare que c'est un homme qui fait la vaisselle, fait que je me dis ça doit être un esclave. Ah, oh, ça m'aurait pris 100 épisodes pour apprendre que je peux pas prendre ça. Bon, fait que, non, c'est ça, fait que tu rentres dans la cuisine, puis le gars il fait la vaisselle, puis c'est un homme de couleur. Et cet homme-là se revire de bord, puis la première affaire que la police a dit, c'est « Fais attention, attaque-le avant qu'il fasse quelque chose. » Fait que clairement, tu pars un combat avec. La première phrase qu'il dit, c'est « Je suis vraiment désolé, je fais juste me défendre. » Puis là, il commence à t'attaquer. La police l'arrête. Après ça, je pense que tu passes tous les stéréotypes. C'est vraiment brillant, ça, quand même, là, comme contexte, moi, je trouve. Là. Ben, tu sais, c'est clairement du profilage racial. Mais non, mais aussi, c'est du satire qui est vraiment fait pour conscientiser. Là. C'est vraiment bon. Moi, je trouve que passer des messages comme ça, ça se passe mieux dans ce contexte-là. C'est peut-être juste moi, mais... Ben, non, mais ça se passe super bien. Mais d'un autre côté, je me dis, tu sais, un public averti, tu sais, nous autres, on est averti dans la salle. Benjamin jouerait à ça. Je sais pas s'il y aurait le même discernement que nous autres. Benjamin, comme quoi? Benjamin, ouais, mais quoi? André, je veux juste te dire, Benjamin, il n'y a pas l'âge encore pour jouer à ce jeu-là. Benjamin, envoie la main à la caméra. Fais-nous un bonjour. Fais-nous un bonjour. Il est filmé, de vrai? Il est filmé. On a un web qui est juste là. Ben ouais. Fait qu'en réalité, c'est ça. Fait que le monde qui vont jouer à South Park, qui ont l'âge de comprendre South Park puis d'être dans le mode de South Park, c'est écœurant, mais ça m'effraie à un niveau incroyable de voir des parents qui vont juste rentrer pendant le temps des fêtes puis tu veux jouer à South Park, pas de trop, puis là, ils l'achètent. Puis je pense qu'il y aurait la caisse, ils vont faire. C'est pas pire que le parent qui va acheter GTA 5 à son petit garçon de 12 ans. Moi, je pense qu'il y a plus de chances qu'il achète GTA parce que le petit cul... 12 ans ou 11 ans, en tout cas, whatever. Écraser des prostituées avec ta femme. Non, mais il n'y a pas le goût de jouer à South Park dans le sens qu'il n'écoute pas ça à TV, normalement. Il n'y a pas le goût, puis c'est un RPG avec. Tu regardes des animations, tu pèses A, puis. Moi, je dis que votre théorie à 2 cents sur GTA, ça ne marchera pas parce que GTA, ça fait longtemps que c'est sorti, puis ils l'ont tout déjà. C'est une théorie de 2004, mais vraiment, on a quand même. Non, mais pour vrai, sans joke, c'est juste. C'est le genre d'affaire que j'ai fait comme. Tabarnak! Puis, je pousse ça plus loin, t'as même du monde de notre âge, ou un peu plus jeune, ou un peu plus vieux, qui aurait le discernement, qui le comprendra pas. Ah, tu parles déjà sur Gamer Québec. Là. Juste au début, on a vu... Ça a aidé. Shameless promo. On va être sur une blacklist. On va être correct pour un autre 6 mois, finalement. Non, on sera pas sur une blacklist, là. Fait qu'en réalité, là, le but que j'ai vu aussi de ça, c'est qu'il y a du monde qui comprendra pas. Tu sais, les matantes, là, comme qu'on les appelle, là, la plèbe Facebook qui s'offusque. Juste le bordel que ça a fait au début quand ils ont annoncé leur système de difficulté dans le jeu où on choisit le niveau de difficulté, ben c'est un peu la couleur de la peau de notre personnage. Donc plus on va foncer, plus le jeu est difficile. Puis c'est vraiment un excellent message qui envoie. Fait quand on comprend ça, un moment donné, tu fais comme fuck, ok, c'est daring, mais d'un autre côté, c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Mais eux, ils ont l'avantage de mettre l'excuse on est South Park. Ça vient comme un peu c'est, avec c'est un, ça, ouais. un bagage où tu t'attends à ce que ça soit ça, tu sais. C'est comme quelqu'un... Comme la meute. Non, pas comme la meute. On va vraiment se lancer là-dessus, c'est ça. Je m'avais dit, c'est comme Milton qui fait des jokes d'autistes. Bon. C'est le gars straight, toi, ici. Ben, c'est ça, là. Mais là, maintenant, après 100 épisodes, je peux même lâcher l'os un peu. Mais, c'est ça, tu sais, c'est honnêtement, le jeu est excellent. Le jeu, il y a des références quand même assez fucking wrong. Le gameplay, le fun, j'avais peur que ça soit redondant un peu parce que déjà, Stick of Truth, le premier, il y avait toutes les références que j'aimais de South Park qui avaient été faites. Mais ils ont trouvé une manière de se réinventer. Puis de niaiser aussi tout ce qui est... parce qu'on s'entend en 2017-2018, si tu fais quelque chose, c'est en référence à Marvel ou DC. C'était en moindrement dans du divertissement. Là, fait que si c'est un film, un jeu ou n'importe quoi, faut qu'il y ait une franchise de super-héros à quelque part pour que ça génère des revenus. Fait qu'ils ont pris la bonne avenue pour faire ça. Il y a du monde qui chialait dans le temps parce que le jeu il a été repoussé à plusieurs fois aussi. Ça valait la peine parce que le produit est quand même très bien fini. Ça arrive, c'est quand même vraiment cool. Puis il y a encore des belles références de South Park à aller faire là-dessus. Fait que si vous vraiment vous tripez sur South Park, mais honnêtement, allez pogner ce jeu-là. Il tombe pas cher. Puis savez-vous quoi, je suis sûr et certain qu'au Boxing Day, il va retomber encore moins cher. Puis un moment donné, vous allez le trouver à 29. Peut-être oublié parce que vous jouiez à d'autres choses. Puis ça va valoir la peine d'essayer. C'est un peu intemporel comme jeu. C'est pas un jeu que t'as besoin de jouer là, là. Ben, c'est sûr qu'il y a des références culturelles qu'on peut s'associer là un peu. Tu sais, du genre, à un moment donné, tu dois. C'est une belle discussion avec le Guidance Counselor, là. Okay. Puis il te demande de définir ton genre. Ah, tabarnak. Ouais, mais... Non, mais c'est parfait, ça. C'est excellent. C'est ça qu'on veut. Ça, d'après moi, veut dans South Park. Ça va se poursuivre en 2018. Fait que ça va rester actuel. Parce que Milter... T'as raison là-dessus. Parce que Milter, il veut juste faire sûr que ça va être encore relevant quand on la jette au Summer Sale cet été. Exactement. Lui, il est en train de te justifier ton achat éventuel, Eric. De toute façon, si c'est plus à jour, il va relancer le débat. Exactement. Ça, exact. En réalité, j'ai joué à South Park, j'ai écouté Punisher sur Netflix. Punisher qui est excellent, vrai. Qui est violent as fuck. J'ai resté vraiment surpris. Il y a des scènes qui étaient quand même assez graphiques, qui étaient difficiles à regarder. Mais c'était le fun. C'était très le fun. Nice. C'était très bon. J'ai fini moi aussi justement hier. Oh! Puis t'as trouvé ça comment à la finale? C'était-tu... Spoil pas, je l'ai pas regardé. Que... Ah non, mais j'ai demandé comment il aimait ça. J'ai pas demandé la résumé. Ce que je dis parce que notre hôte de la soirée n'a pas encore fini sa saison, mais c'est une série en deux temps. Et j'ai apprécié énormément la finale, comment ça c'est le dernier droit, on pourrait dire, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré la série, j'ai adoré le côté très terre-à-terre, malgré tout. On est loin du Iron Fist et du... Spoil pas. Je suis sûr. Ah, je peux juste faire un prop à Milter qui a une chemise de pizza en train de manger une pizza. Oui, avec son tatou de tatou de pizza. J'ai... Le tree sim... C'est concept, mon gars. C'est comme la... Milter, c'est autant hipster que l'autre dude dans Grand Theft Auto, là, qui était proto-hipster. Trevor? Donc, Trevor, c'est ça. Okay. Fait que c'est ça. C'est à moi, parce que je peux y aller. Je peux faire un segway là, que j'ai. Oui, fais-nous un segway, Milter. Parce que tu parlais de violence sur Netflix. Fais juste décoller un petit peu. Yes, parfait. Là, ça va être génial. Là, t'es parfait. OK, parlant de violence sur Netflix, j'ai écouté... Riverdale saison 2 avec ma femme puis asti que ça me met violent ce show là c'est pas bon puis on dirait que dans saison 2 ils sont rendus avec un genre de serial killer dans Riverdale. Oui, le Black Hood. Jughead, il fait de la moto puis il est chef d'une bande de motards. Puis, ah, puis il y a des tatous aussi? Il y a des tatous, j'ai même pas remarqué. Ah, t'es pas rendu une belle, je sais pas. Les snakes, man! Ils ont out avant. Oui, c'est vrai, il a fait... Ben oui! Hey, c'est vrai, j'avais oublié ce bout-là. Comment tu te sens à propos de ça? Ah, puis avoir aussi Betty faire un lap dance en déshabillé, là. Ça, c'était dans saison 1, ça. Dans saison 2 aussi. Ah oui? C'est spécial. Fait que finalement, on va la regarder, saison 2, ben. Non, c'est pas le fun. C'est... Malaisant. Je sais pas, je l'écoute. Écoutez Mindhunter à place d'écouter ça. Écoutez quoi? Mindhunter. Sure, c'est déjà mieux, je sais pas c'est quoi. C'est fucking awesome. Mindhunter, c'est l'histoire des gars du FBI qui ont inventé le terme serial killer. Est-ce que Archie est là-dedans? Non, mais il pourrait l'être good. Dans saison 2, je pense. C'est un point de vue, un bon point pour... Mais Hamilton, t'as-tu l'impression dans Riverdale saison 2 que saison 1, ils ont fait, OK, on va s'inspirer d'Archie. Ils ont vraiment saison 2, fait, ils ont fait saison 1. Fuck off. Il y a beaucoup de fuck-off de présent. Puis je dirais aussi que même dans saison 1, à un moment donné, c'était juste fuck-off. Ouais. Tu sais, il y a, puis ils font tout, là, le comment ils appellent ça? le blackwashing là, des Pussycat Dolls. Ils font les Pussycat Dolls. Non, Jay-Y et Josie and the Pussycat, même affaire. Puis l'autre. Ah, mais attends, t'as pas une membre de ce groupe-là récemment qui a fait un coming out en disant ils m'ont forcé à me prostituer? Ben justement, je m'en allais dire culture du viol au bout, dans saison 2, il y a un bout que tout le monde se fait violer, ou je sais pas quoi, là. Puis Cherry, c'est quoi son nom? Cherry Blossom, ouais. La rousse, là, qui est fuckée, là. La Joanie, elle dit qu'elle se fait violer par un ami de l'autre, puis. Non! C'est non! Ah ouais, l'histoire de Roofies, ouais, c'est vrai. Non, en tout cas, c'est pas bon. Fait que, je sais pas, écoutez pas ça, là. Moi, je suis pogné à écouter ça. Je trouve ça plate, parce que la saison 1, j'ai vraiment aimé ça, moi. J'étais vraiment agrippé, puis on a écouté la première. Ouais, man, le gars, il fabrique de la coke dans une usine à maple syrup. Fuck off! C'est quoi? C'est pas Archie, tabarnak? Archie, il mange... Archie, il va sur les étoiles. Et il fait du drag racing, man, contre des bikers. Archie s'est aussi battu contre des loups-garous, des zombies. Il a été un super-héros. Ça serait déjà mieux, man. Il a été un zombie aussi. Hey, dans celle-là, man... Tout ça, c'est la cocaïne dans une usine de sirop d'érable. Archie, là, il est avec une gang de Red Hood, là. Puis, dans le fond, c'est l'équipe de football avec des cagoules rouges en chest. Puis, ils s'en vont se battre contre des motards dans la rue à pluie. Ah, mais ça, c'est un clip d'Alexis Sunfire. Il y a un de la gang d'Archie qui se stabbe lui-même dans la jambe, puis tu sais pas encore où que ça s'en va, ça. Fait que c'est comme, ils m'ont stabé, pas stabé. Puis c'est le même gars qui veut un... Le gars, il veut un gun, what the fuck? Midge, elle se fait genre... Non, pas Midge, c'est... Moose! Le bisexuel joueur de football se fait tuer par un tueur en série, tabarnak! Ouais, mais ça, c'est la même affaire, gars, dans Hackers. Il y avait Mark Anthony qui était dans le part-time un moment donné, pis tu comprenais fuck all pourquoi il était là. Hackers, c'est un film en lui-même. Ouais, mais ils sont pas obligés ça, c'est de suivre. Sur le gars, il peut se taber dans la jambe juste parce que c'est 2017. Puis lui, il a vendu un gun à Archie. Il a vendu un gun illégalement, Archie. Hein. Tu sais, Archie achète des guns illégalement. c'est plus. Ouais, mais il a été un zombie, un loup-garou, un super-héros. Ouais, mais ça, c'est des BD, c'est correct. Il a aussi battu Predator puis Punisher, mais. Ça, c'est archi. Il est mort plusieurs fois. Fait que toi, ce qui t'achale, c'est qu'il a acheté un gun. Il a acheté un gun. Il y a de la coke qui se fait dans une usine de sirop d'érable. Ouais. Le reste, c'est... Jughead, il est chef d'une gang de Hells Angels. Puis... Non, mais c'est ça, pareil. Les Serpent Bikers. Vous allez voir, exactement. T'es-tu à jour dans les épisodes? Oui, il me reste une dernière. On n'est pas à jour, là. Je veux pas savoir toutes les... C'est pas bon, là. Je l'écoute à cause de ma femme, vous l'écoutez? Candyman, tu te sens comment à propos de ça? Ça, c'est bon, ça. Ouais, mais... Tu parles le film, là, avec le gars Black qui a des abeilles. L'acteur de Candyman qui joue dans Riverdale. Ben, il joue aussi dans X-Files, puis il joue dans plein d'affaires, puis c'est pas grave. OK, mais on s'en... Non, mais le rôle... Le gars, il a le droit de travailler, André, là. Non, André, ça l'arrête là, là. Non, mais je vais le craindre, parce que je vais entendre son opinion sans le faire spoiler, mais... Ça me dérange pas, hein. On s'en parlera offline tout à l'heure, je pense. Ouais. Puis, mais c'est ça, j'ai écouté ça. J'ai pas écouté Punisher, merci Guillaume. Je vais l'écouter bientôt. J'ai joué un jeu aussi, je l'ai acheté, j'ai eu tout récemment. Ça s'appelle Hello Neighbor. Ouais, j'ai joué 20 c'est minutes ça qu'il faut un que tu matin. Chez le voisin sans qu'il exactement. Moi, mon gars, là, ça fait comme 6 mois qu'il regarde des vidéos de ça sur YouTube. Puis je me dis, bah, quel jeu inoffensif. Tu sais, mon gars, il regarde ça, puis c'est cool. Finalement, c'est assez fucked up. T'sais, première chose, je m'ai rendu compte quand j'ai acheté le jeu, c'est qu'il y a un gros écran qui me pop, puis ça dit. This game contains stuff not for children. Puis j'ai fait fuck, j'ai acheté ça pour mon kid de 7 ans. Fait que c'est ça. À date, c'est pas trop pire. Mais moi, j'ai commencé à jouer. Puis en gros, t'es comme un petit enfant, si j'ai bien compris. Puis ton voisin, c'est un psycho, genre, là. Il est vraiment comme pas bien, là. Il rien que sa face, sérieux, t'es revoir sur Internet, là. Il se promène, il a des gros yeux. Il ressemble à genre Jean-Luc Mongrain sur la côte, des années 80. Fait que Jean-Luc Mongrain des années 80. Ouais, non, mais carrément, là, ouais. Mais imagine sur la côte, en plus, les yeux sont encore plus gros. Puis il te court après, genre t'es là, puis tout, faut que tu rentres chez eux. Brains. Puis déjà là, c'est brains. Ça qui est weird. C'est pas Home Invasion Simulator, ça, exactement. Mais côté malaise, là, tu parlant de jeu de simulator, j'ai aussi joué la semaine passée à Bébé avec une gastro simulator. C'est... épique comment c'est réaliste. c'est fou. Tu parlais de l'enfant qui a une belle expérience en plus. Ah, c'est quelque chose, man. Je vous suggère fortement de pas jouer à ça. Mais Hello Neighbor, c'est ça. En tout cas, c'est juste louche. Faut que tu t'infiles chez le voisin. C'est comme un stealth game. Je veux pas dire Splinter Cell parce que c'est pas pareil, pas tout. Mais y a-t-il un genre de endgame objectif là? Faut que tu trouves une clé ou que tu fabriques une clé ou que tu trouves de quoi. C'est vrai, je suis trop proche. Puis tu découvres le secret maléfique weird que son que ton voisin il cache. Ah d'accord. Genre puis tu trouves quoi que ton voisin il cache? Ben mettons, tu le sais pas, c'est ça, il y a une salle embarrée en quelque part, fait que toi faut que tu trouves une clé, quelque chose, tu ouvres la porte puis tu réussis à t'infiltrer dans son sous-sol. Comme King Quest, comme The Birds dans le fond, le film avec Tom Hanks. Exact, sauf que là tu joues à la place de t'endormir en regardant le film. Pretzel et Sardine. Fait que c'est ça, c'est hot. Sérieux, je comprends fuck all, je suis pas bon. J'ai essayé pendant un bout, mon gars a joué, puis il a pogné la manette, puis il a passé le premier tableau, sans aucun assis de problème. Moi, je fais juste embarquer sur le terrain du voisin, puis il me court après, puis il me kidnappe. Ah, moi, j'ai réussi... pogne vraiment. J'ai réussi à rentrer quand j'ai essayé. J'étais tout excité parce que je l'ai reçu quand j'ai vu que tu l'avais acheté. J'étais excité parce que ça fait partie de les merveilleuses Xbox One X Enhanced. Fait que quand tu vois les jeux pour la One X, t'es comme, oh yes, m'a justifié 600$ qu'on a mis sur une nouvelle console-là. Puis puis là, je suis tout content de voir. Puis là, j'ai commencé à jouer, puis j'ai rentré en maison, je me suis caché dans un garde-robe. Puis après ça, j'ai sorti du garde-robe parce que je savais pas qu'est-ce qui se passait. Il était drette là, quoi. Il était drette là, il m'a pogné, puis le jeu est arrêté. Mais en même temps, juste avant ça, j'étais là, je me promenais dans l'entour, je disais, c'est-tu qui sont belles les textures? Check le 4K, c'est malade. C'est ça qui t'a pogné, c'était là, regarder le... C'est pour te cacher. Mettons que j'ai plus hâte à PlayerUnknown bientôt. Ouais, mordi. Toi, t'auras pas le temps de checker les textures et de dire la stick c'est beau. Ouais, c'est ça. Headshot. Ben, des fois, ouais, tu te couches à terre à côté d'un arbre et tu bouges pas. Tu regardes les textures. Mais non, c'est ça. J'ai pas. Je sais pas. Ils ont-tu dit s'il va être sur la plateforme PC, Pug? Je ne crois pas. La seule affaire qu'ils ont confirmé, par exemple, c'est le frame, le FPS limit dans le fond, qui était à 30 FPS pour One X puis One S. Puis c'est la seule affaire dans le fond, mais nous on s'en calisse parce que de même, eux autres, ils voulaient assurer que tout le monde qui jouait sur la même plateforme aurait pas d'avantage concurrentiel. Ouais, fait c'est que normal, je comprends pourquoi qu'ils le font, tu sais, ça a du sens de faire ça. Anyway, je veux pas jouer avec des PC Master Race. Hein, Max? De quoi? Il veut pas jouer avec nous autres. Gars. Yeah. C'est son choix. Fait que toi, Max, justement, qu'est-ce que c'est passé de bon, là? Ça allait prendre une gorgée de sa buteuse, là. Tu peux prendre? Non, la dent, t'as gorgé, là. J'ai vu, t'en allais pas. J'ai vu la moitié pendant tout ce temps-là. C'est même pas la moitié grosse. Ok, mais t'en prends une bonne dedans. Bonne observation, ouais. Eric. En passant, une buteuse, c'est l'équivalent de boire une bouteille de champagne à toute seule. À peu près, ouais. Ouais. Mais au goût qu'elle a à voir à peine, par contre. Ah, une triple belge comme ça, là, ouais. Mais ça, c'est la version, c'est parce que j'ai remarqué, ça, c'est la version plus chère, ça. Un fancy, là, il y a comme du gold. Parce qu'il y a une buteuse normale, mais celle-là est limited, là, avec un petit tag dessus. Max, il y a même la crèche de l'ordre du temple solaire sur le côté. Max, il dit pour le centième. C'est le centième épisode, je me lâche. En fait, ils ont mis cette crèche-là avant d'accepter l'offre d'achat de Molson. Toutes les fois, je l'achète, elle est même. Je vois pas. C'est vrai? Ouais, non, c'est pas la bouteille normale d'une troupe d'hier. Ah, ouais, brune, d'habitude. J'ai rien contre le brun, okay, mais moi, c'est le début, j'en bois une édition spéciale, tu vas me dire. Oui. Toujours été une. Ça vaut cher, c'est toi. Ouais, que depuis que tu m'as fait connaître, c'est toujours celle-là que je bois. C'est pour ça qu'elle coûte 27$ la bouteille. C'est mal, Max. Okay. Mais check. Check, Max. Quand je vais dans mon pour dans ceux mon qui Google nous écoutent Photos, à là, domicile, qui ne voient pas la stream en direct, en vidéo, Eric est en train de montrer une image. Oui, je suis en train de montrer une image. Mais regarde, tu vois ici dans mes photos. Est-ce que je décris l'image? Tu vois mon alcoolisme ici, là? Ouais. Quand je vais dessus, là. Il est juste à côté c'est de son neveu. Buteuse. Pour ceux qui veulent comprendre, Eric, un album photo qui s'intitule Mon alcoolisme. Où il y a des photos. Celle-là, en passant, cette bouteille-là, cette merveilleuse bouteille-là, elle coûte 6$. Elle coûte combien la tienne? Juste c'est la 15 bouteille au moins. Ou... Ouais, elle est 15. Ouais, ça, je pense que c'est l'équivalent de 2. Ça, c'est une 750 ml. Fait que dans le fond, tu payes 9$ de trop depuis toujours. Chris, tu pourrais en boire deux. À chaque fois que tu bois une bière. Ah, il me fait fourrer. C'est du 2 pour 1. Mais appelle Molson. Toi, tu te fais fourrer en achetant de la buteuse. C'est sûrement d'autres actualités moins tristes. Hey, merci. Excellent point, Guillaume. Ben oui, tu peux en boire. Let's go. Ah ouais. Oh, elle goûte plus cher. Je l'aime. Elle goûte plus cher. C'est ça, il y a du gold flake dedans. Bon, ben pour mon actualité, ça se fait un petit peu court par contre. Je suis un peu déçu de moi-même. Tu m'entends pas bien? Je t'entends semi-popé. OK, ben... Là, c'est génial. Là, je t'entends bien. Parfait. Bon, ben, de toute façon, t'es déjà au courant. Le temps est venu. J'ai upgradé mon ordi après 6 ans. Il était temps d'avoir les estis de lag. J'en avais plein le cul. Fait qu'à cette heure, rendu sur du Intel, après avoir passé des dizaines d'années sur du AMD, puis à défendre AMD comme un fanboy fini, je regrette aucunement mon choix. Plus de performance, plus de Celsius dans la pièce. T'économises sur le chauffage? Quasiment. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'intention de s'acheter un ordi, si vous avez chaud de base, allez pas sur du Intel. Vous allez regretter. Je pense qu'on a remarqué que c'est 5 degrés Celsius de plus dans la chambre d'ordi chez nous. Mais somme toute, ça a été un des meilleurs achats que j'ai fait. T'as que ça, pour de vrai? Écoute, façon, moi, dans mon stream room, dans le sol à la maison, là, le chauffage est fermé puis il fait 23 Celsius. La fenêtre est ouverte tout le temps. T'as genre 7 ordi qui roulent. Non, je n'ai 2. Vous semblez chialer un peu trop pour la chaleur. Moi, je chiale pas. Pour du monde qui vit au Québec. Sérieux, là. Mettons, ben, l'hiver, c'est cool. On aime ça. C'est ça. L'été. Alors, exemple, je peux te donner, de base, des fois, il va arriver qu'il va faire 18 dans ma salle d'ordi. Mettons, on baisse le chauffage, on va faire 18. Quand que je start mon ordi puis je me mets à rouler les jeux, je peux facilement caper le 26 degrés Celsius si c'est pas plus. Shit, moi, faut que je monte le chauffage. Je pense que mon ordi est pas assez bon. Ben, oui, j'ai pas ce trouble avec style, ma console. Alors que sa conjointe est dans la salle? Non, je viens d'en acheter une petite tour. Là. Je m'accueille pour un petit bout. Là. Fait que t'as upgradé, là, t'as acheté du Intel. T'es passé de AMD à Intel. Là, ça chauffe. Oh! Fallait vraiment que quelqu'un le fasse. Fait que là, c'est on s'en a dit, pour la tu cause. Payes moins cher en chauffage depuis ce temps-là. Pour vrai? Man, finalement, hey, t'as peur, là, tu peux diluer ton processeur sur l'économie d'hydro, là. Puis il est enregistré, là. Oui, oui, c'est prouvé. Fait que c'est 400 pièces de processeur que t'achètes, donc 500 pièces avec des taxes. Pour baisser la facture d'électricité, c'est gagnant. Ben, Dieu sait que t'as acheté juste un processeur aussi, là. Non, non, j'ai tout acheté quasiment le gros kit au complet pour le... À part quoi? À part les disques durs? Puis la carte vidéo? Ouais, ça au moins... Ben, ça c'est cool par exemple parce que la longévité des disques durs, j'ai remarqué à Star, là, tu peux te permettre d'upgrader ton ordi et de garder ce stock-là ouais, plus c'est longtemps. Ça là, c'est vraiment ouais, nice. Moi je me souviens dans le temps, là, les Mac Store que tu regardais et ils crossaient en deux. Là, c'est comme « Oh fuck, j'ai regardé le case, ça vient de me coûter 600$ ». Ouais, tu vois, avant on disait toujours que les Mac Store c'était celui qu'il fallait que tu achètes parce que justement les Western Digital ça n'avait pas de lastinement. Jusqu'à temps qu'un achète l'autre puis que c'est la même compagnie. Puis après ça, Seagate achetait l'autre, c'est que c'est rendu tout un gros trip à trois. Puis... Ah! Ouais. Moi, j'ai acheté mon ordi, j'avais une vieille, le disque dur dedans était à chier, puis j'ai juste mis mon disque dur dans mon ordi qui était mort, puis pff, c'est comme son âme, là, c'est son brain. C'est comme son legacy, là, ça continue. C'est ça, d'un coup, mon disque dur était comme « I'm free! » Ou genre, je suis ma vie, parce que là, tout le monde me demande du data 4 fois plus vite, tu sais. C'est comme la femme qui travaille à comptabilité, là, qui a 58, elle est sur le bord de la retraite, puis elle est comme « Crissez-moi patience! » C'est pour ça qu'elle commence à faire du bruit. C'est ça qu'on l'a collé ici d'or et qu'on engage une de 26. Aucune référence à ma vraie job. Sur ta chaîne Wardy, c'est vrai, de baisser le chauffage à maison, baisser le chauffage, dépenser 800$ sur un processeur, puis du de la RAM, puis une carte maîtresse. C'est ça, fait qu'à 60 FPS, comment on dit ça? PC Master Race. PC Master Race. À cette heure, j'en ai une pour vrai. Nice. Pas juste dire j'ai un bon ordi, à cette heure, j'en ai une pour vrai. C'est, ce qui est le fun au moins, c'est que t'as plus l'impression de jouer à Minecraft à tous les jeux que tu joues. Ouais. C'est hot Minecraft. Il y a au moins ça. Alors, le pire, c'est que Minecraft, il laguait sur mon autre ordi. Ça, c'est j'ai de la misère à comprendre ça, mais c'est pas grave. Sans Java, je cherche pas à comprendre. Ah, Java, ok. Hey, parlant de Minecraft, ben vite, Rick, t'as-tu joué à Minecraft Xbox One X? Es-tu sorti le 4K Non, ils ont pas fait le fucking big update encore, whatever ça s'appelle. Parce que... J'ai ça. Besoin de voir ça. Non, oh, c'est plus rien que du 4K. Non, ils ont tout revu. Ils font tout, t'as l'impression de jouer à genre Skyrim, mais... Non, t'as l'impression de jouer à un Minecraft bien modé, là. Ouais, t'as dirait que t'as l'effet fog au loin que t'as normalement quelque chose sur PC. It's gone. Ouais. Ah, mais les arbres, ça a plus de l'air des blocs, là. Ouais, mais au One X, c'est des affaires weird, comme dans les upgrades, que même les jeux qui sont pas updatés officiellement... roule juste mieux. C'est quelque chose que... Mais c'est qu'arrive quand t'as 74-12 mégaflops, là. 6. Ça, je disais. Sumo, hey, c'est pas un bon nom, ça. Parlant de blocs. Mais ça. On vient de finir l'actualité, à moins que Max, t'avais d'autres sujets à nous parler? Ben, côté technologique, ça, c'était mon histoire. Sinon, dans le général, au niveau de mes choses, je me suis rendu compte que, au niveau de ma job, je le savais pas, mais je suis rendu quasiment un PR. Oh! Comment? Définis quasiment un PR. Écoute, ben, tu sais que je suis au support technique pour la compagnie pour laquelle je travaille, diagnostic, etc. Je fais juste aider la clientèle. Ma boss me demande d'aller voir un de distributeurs de pièces avec lesquels on fait beaucoup affaire. Je le nommerai pas, mais si tu regardes la bâtisse à côté, tu as le nom de la compagnie qui apparaît. Donc, on va voir ces gens-là. Le magasin Western en face, là, où ils vendent des bottes de cowboy. Et... Ben, absolument. Le restaurant Last Call? Absolument. Okay. Toutes ses réponses. Toutes ses réponses. C'est tout le monde. Non, mais en fait, on va voir ce distributeur de pièces automobiles-là, parce qu'ils veulent nous lancer des idées à introduire dans nos systèmes. Puis moi, je pensais que j'allais juste là pour aider ma boss, puis à montrer des petites affaires. Mais finalement, j'étais celui qui s'est mis à le plus parler, à montrer le plus d'affaires. Puis, eux autres, ils veulent nous poser des questions, ils veulent nous proposer des choses. Puis je me rends compte que tout ce monde-là, de cette compagnie-là, ils sont pas en train de parler à ma boss. Ils me regardent tout moi, puis ils sont en train de négocier avec moi, puis me poser des questions, puis ils veulent que je leur donne des réponses. Pendant ce temps-là, ta boss est en arrière, elle fait « ha ha ha ». Employee, pas, il paye pas plus, puis pas d'augmentation. Ben, pis... Le pire, c'est qu'on allait là, puis elle me disait, elle t'a payé un lunch, laisse-moi parler, tu vas voir, je vais m'occuper de tout. Toi, t'es là juste pour comme, montrer des affaires qu'on n'est peut-être pas sûr, vu que toi, tu connais vraiment nos systèmes à 100%. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'eux autres, ils ont parlé un peu avec elle, mais quand ils ont su que je connaissais pas mal plus le système en général, ils se sont tous retournés vers moi, puis là, finalement, ben, j'étais comme celui qui allait... comme négocier un peu avec eux autres. Quand tu t'attends pas à ça, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, malaisant. Ben, tu sais pas, ouais, je connais très bien la situation, tu sais pas qu'est-ce que tu veux dire ou pas dire pour pas mettre quelqu'un en marde, puis là, tu promets ben, quoi? Surtout là... que j'ai aucune prise de position. Exact. Moi, je suis juste un technicien informatique, programmeur, analyste très, très junior, on s'entend, tu sais, je programme pas rien directement. C'est comme négocier, mais quand t'as pas de power pour prendre cette décision-là. Fait qu'on est comme, je sais très bien ce que tu veux dire. On va voir, messieurs, ce qu'on peut faire. Moi, je me retourne à ma boss en disant « Hein? Ouais? On va voir ce qu'on peut faire, hein? » Puis j'essaie un hockey d'elle de faire comme « Dis une réponse, s'il te plaît. Dis une réponse, s'il te plaît. Donne-moi pas le... Oblige-moi pas à dire « Oui, on va faire de quoi, puis c'est pas vrai. » Finalement, ben... Fait que c'était malaisant? Fucking malaisant. Écoute, depuis ce temps-là, j'ai passé les deux dernières semaines à la grosse job sale. Ce monde-là m'ont appelé, ils me proposent des affaires, ils m'envoient des documents. Genre, ah, j'aimerais ça que tu introduises telle affaire là, dans ton. Dans ah, fait que tu t'es fait passer le singe. Ouais, mais c'était comme pas voulu. Ma boss n'en voulait pas nécessairement non plus, mais c'est comme rendu dans mon dossier, je te dirais. Puis c'était compagnie là, c'est comme, hey, on aimerait ça que tu nous fasses ça, là, qui ressemble à ça. Oh, regarde yeah. Je regarde ça, je l'analyse, je regarde de quoi qu'il a l'air. Puis. On va reculer de 2-3 épisodes où est-ce que j'étais là, puis que je te parlais d'une situation particulière qui s'est arrivée avec un compétiteur. Là. Ouais. Oui. Ben, je regarde le document, je regarde ma boss, je fais comme. C'est pas 100% le document de notre compétiteur, ça? Fait qu'elle fait, je pense que oui. Tu te recherches sur Internet 2 minutes plus tard, le même document que le compétiteur. 100% la même chose, c'est juste les couleurs qui diffèrent. Toute la façon que les documents sont faits, comment les affaires sont placées, les cases que tu peux cocher, ne pas cocher, tout ça est 100% pareil. Fait que, OK. En fait, la compagnie est en train de nous envoyer, ben, faites exactement comme votre compétiteur à 100%. Mais moins cher. Mais ben, sans nécessairement être moins cher, oh, okay. Ben, si on recule encore des épisodes, on a un fuck-up avec eux autres au niveau légal. On a une compagnie avec laquelle on travaille mutuellement, qui nous demande de faire une affaire qui constitue comme une genre d'illégalité parce que c'est quelque chose qui est de leur conception. Hmm. À suivre. La promotion est quand, Max? La quoi? La promotion est quand? Je sais pas. Sortez-vous de la merde. Pis c'est comme le cliché. Sortez de la merde. Pis tu arrives chez vous. Là, j'ai une nouvelle augmentation. Je fais 20 heures de plus par semaine. J'ai plus de fonctions. Puis là, la bande dit « Ah oui, mais c'est quoi ton nouveau salaire? » C'est pareil. Ouais. Ben, je fais quasiment 20 heures de plus par semaine, quasiment, parce qu'il y a une personne qui est malade, l'autre personne est en congé pour ses affaires à l'université. Fait que je me retrouve overbooké de jobs. T'es-tu payé à l'heure au moins? Ou... Bon, ok. Non, mais il y a du monde à la semaine, tu sais. Non, je sais, mais fait que je me tourne les pouces, ben, que je travaille non-stop, je suis payé le même salaire, là. Mais t'as un nouvel ordi. Ah oui, mais là, est-ce que je peux en profiter? Je t'amène en carte, est-ce que chez nous, que je jouerais pas autant que je voulais. Ouais, mais ça, c'est le cercle comme d'équivalence. T'sais, c'est comme quand t'as un potentiel d'augmenter ton fun, ben là, t'as de quoi d'autre qui te siphonne le temps. Pis c'est tout le temps comme interrelié, tout ça. Là. Fait que je viens de commencer ma troisième moralité. OK. Merci du décompte. Je me rappelle comment est-ce que c'est bon en tabarnak de moralité. Fait qu'Éric, je pense que finalement, on va enchaîner le deuxième segment. Éric, as-tu fait ses actualités? Mais ça, Éric a fait ses actualités, ouais. Mais Éric, il va faire son... Il pourrait nous parler de bière. Non, mais en fait, Éric, il va nous parler de sa déclaration, je pense, parce qu'on va entendre... Ah, tu veux me pogner direct dans le vif comme ça? Ah, je te pogne sur le vif, mon homme, t'es cuit à vif, t'es prêt. Je te sens prêt. Vas-y. Fait que je vais commencer le ton de notre centième. Fait que notre ton, c'est des déclarations où ce qu'on dit sans shame, qu'est-ce qu'on aime. Ben, ça peut être ce que t'aimes pas aussi. Là. C'est ça. Ah, ouais, je voulais pas toucher celle-là. C'était une idée, mais. Tu sais, non. Donne-nous une autre moralité, ouais. OK, fait que déclaration. J'aime les jeux vidéo, on le sait. Le monde, ils le savent. Déclaration que j'ai dit très souvent. En fait, c'est même pas une déclaration sur le podcast parce que je l'ai dit en Saint-Sacrement. EA, c'est la meilleure compagnie de jeux vidéo qui a jamais existé dans l'histoire. Du jeu vidéo. Le Citizen Kane. En fait, tu sais quoi? Quasiment le Citizen Kane. Parce que le Citizen Kane, c'était des standards bizarre. Dans l'industrie du film. Comme que EA ont c'était des standards dans l'industrie du jeu vidéo. Non, c'est mon temps, là, c'est mon temps. Oui, mais j'ai vu Citizen Kane. C'est plate. OK, c'est ça, je catch pas. C'est les techniques de caméra, puis... Les genres de pannes qu'ils ont fait, puis ils pushent, puis... Ben oui, c'était okay. Tout nouveau dans le temps, là. Okay. C'était en ça qui était hot, là. Avant que le CRTC pense qu'on est commandité, non, on n'a pas de commandite de EA, il n'y a pas de hashtag... Non, c'est vraiment... Non, mon amour pour EA, c'est une des affaires les plus honnêtes. Je pensais que tu disais qu'on n'était pas sponsorisé par Citizen King, t'es comme... Non, le film qui a besoin beaucoup de publicité en 2017... Fait que ma déclaration d'amour pour EA, c'est pas une déclaration d'amour qui est vraiment secrète. Les gens qui me connaissent le savent très bien. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Le hate que EA reçoit est très mérité dans tous les fronts à chaque fois. Ça, c'est quelque chose que je vais être bien honnête avec. C'est quelque chose que je comprends. Mais ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai fait un FaceTime à ma femme. T'as table dial. J'ai table dial. Fait que EA, une compagnie fondée par Trip Hawkins en 83. Shout-out Trip Hawkins. Shout-out à Michael. On l'aime bien, la photo de Trip. Ça, c'est une photo en passant d'une entrevue. On la voit souvent maintenant sur l'Internet, mais j'aime bien Next Generation. Puis les magazines Next Generation dans les années 90, tu sais, t'avais les Game Pro, t'avais les EGM, t'avais les Nintendo Power. Puis là, comme en 94-95... T'avais la revue. T'avais Next Generation qui ont sorti. Puis Next Generation, ils montraient l'industrie. C'était plus juste, oh, look at this awesome fucking game, 5 out of 5. Non, c'était comme, OK, we're gonna talk. On va parler avec le fondateur, puis il va nous expliquer son trajet. Puis EA avait passé, puis une excellente entrevue avec Trip Hawkins, qui est en train d'expliquer, dans le temps, c'était même plus EA, dans le temps de Next Generation, Trip Hawkins était rendu en train d'essayer de faire une console EA. Pour bien des gens qui ne savent pas, mais cette console-là, c'était secrètement la 3DO. Ouais, spoiler alert. Et c'était une belle essai. Quand tu regardes la 3DO et tous les jeux qui ont sorti pour, tu vois clairement que c'est un attentat d'être une console. Attentat. King of Fighters. Une tentative d'être une console. Il y a un Road Rash sur 3DO. Il y a un des meilleurs Road Rash, en fait, il est sur 3DO avec Soundgarden et un gros vidéo de fou. Ouais, Soundgarden. La grosse production. Hein? Rip, le gars qui est mort de Soundgarden. Ah, c'est vrai, il est mort. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est un Chris. Chris. Ah, moi, je tiens juste à féliciter les auditeurs présents. Shout out à Chris. On a l'attention d'un canari, man. C'est comme on est passé d'IA à Chris Cornell. Laissez-moi rester restez avec nous, l'auditeur. Restez avec ma déclaration aussi. Fait que EA, c'est une. En fait, je me sens comme le russe, là, de Poutine. Pendant les Game Awards, là, qui était comme fuck les Oscars! Fuck les Oscars! EA treat me well! Pis it's cool to hate EA! C'était écœurant. Mais je me sens un peu comme lui parce que oui, c'est une grosse compagnie. Puis dans les jeux vidéo, on a plein de grosses compagnies. Ils vont toujours être là. Le marché, le système, pareil comme dans tout le capitalisme, tu peux être contre le capitalisme, là, ça c'est une autre affaire. Mais ouais, parce que ça c'est là on part dans une autre affaire. Mais si t'es dans l'univers qu'on vit dedans, des grosses compagnies existent et ils essaient de faire de l'argent, puis ils répondent aux besoins puis les attentes des investisseurs. Leçon de EA. Dans les derniers 5 ans, ils ont commencé à faire les fucking Ultimate Teams. Puis les Ultimate Teams, cherche-moi pourquoi, mais pareil comme Magic, que notre gentil Patrice ici aime bien, puis espère que le monde achète des cartes Magic, que ce soit les Pokémon Cards, que ce soit du gambling. Le monde achète du Magic, tout court. Tu comprends, ouais, ça. Mais EA Ultimate Teams ont reviré fucking fou. Ils ont fait, je pense dans le conference call qui jasait là, tout de suite après le drame qui est arrivé pour Battlefront 2, je vais assumer que tout le monde est au courant. Dans le conference call, Chris, ils ont lancé 800 millions de dollars de pure profit juste à cause des microtransactions dans les fucking Ultimate Teams ici. Là. Tu réalises-tu? Puis on s'entend que 800 millions, c'est quand même... C'est quand même bien du fucking une coupe cognon, de pièces. Là. Ça, c'est bien du monde qui essaie de faire des teams avec des Connor McDavid. Ça, c'est beaucoup plus que le budget d'Unité 9. Là. Et voilà. Ouais, non, excellente série. On va mettre des références que le monde, tu sais, catch ici. Là. Fait qu'à cause de ça, quand EA ont sorti Battlefront... C'est comme 800 fois plus. Non, OK. Naturellement, Battlefront, ils ont éliminé les DLC. C'était ça l'affaire. C'était quoi le problème principal de Battlefront 1? Trop court, trop cher, DLC, Season Pass. Pas de solo mode. Pas de solo mode, Season Pass. Fucking EA écoute toujours le feedback. Un Season Pass, c'était pas bon? Non, les Season Pass. Hey, veux ça? Hey, les affaires que EA ils ont fucking essayé qui n'ont pas fonctionné. Season Pass. Parti. Online Pass, oui, c'était mon prochain. En fait, le Online Pass, c'est drôle parce que j'ai recommencé à jouer à Need for Speed, Hot Pursuit, celui de Criterion ou Xbox 360. Ah, tu veux dire Burnout? Burnout, le Burnout de oui. Sequel. C'est excellent pour ça en passant. C'est une des raisons pourquoi je l'adore, ce jeu-là. Mais le Online Pass, là, t'es là, puis tu le vois, t'es comme, ah, oh, tu peux rien voir à cause de Online Pass. Mais après ça, t'as un pop-up. Ça, c'est sur ma 360 qui est branchée en ligne. T'as un pop-up qui est comme, ouais, season, le Online Pass, just click here, it's free. Comme, ils ont comme, they gave up, là. Les Online Pass, ça marchera pas. Ça s'appelle le concept de ça en plus. Oui, used games, acheter des used games, pas de trouble. Mais tu veux les jouer en ligne, là, tu vas repayer mes esties, là. Dans le fond, le used game t'a coûté plus cher qu'acheter un new game. L'idée c'était que EA, Chris, il essaye des affaires, là, t'es là, t'as des investisseurs, t'as du monde, t'as des conference calls, t'as une job, Max, il a complètement compris le malaise de la pression de le monde qui veut calls. Du cash pis qui veut des questions, hein? T'as des conference calls qui se passent, ça se paye, astille. Ben c'est clair, là, les conference calls d'un investisseur, là, c'est la grosse astille d'affaires. C'est un argument de vente, ça, dans tes... Fait que toi, t'as mis, hein? On a fait des conference calls. Il a mis parce qu'il faut les appels conférences. Non, j'aime, ok. Ok, regarde, donnez-moi 2 secondes. EA, pour l'industrie du jeu vidéo, c'est un Citizen Kane du jeu vidéo. J'ai déjà dit ça! Puis je le dis, ben là, je vais l'expliquer. Tout ce qui existe en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo, tous les rôles de job, Michael qui est avec nous autres chez Tribute, est-ce que vous avez un producteur? Ça s'en vient. Fait que vous êtes en train de passer pour un producteur. V'là 25 ans, 30 ans, là, ça existait juste pas ce rôle-là. V'là 25 ans, 30 ans, là, Michael, il serait en train de coder son esti de jeu dans la cave. Puis des punch cards en papier avec des en train de faire de quoi pendant qu'il y a des esti de suit en haut qui sont en train de fucking aller en bas. Michael, t'as-tu fini ton esti de jeu, là? Calis, là. Let's do it. Puis lui, il codait un esti de jeu, il sortait ça en 2-3 semaines avec ses chums. C'était des affaires fucking intenses. 2-3 semaines. Puis le jeu, il sortait. C'est même pas une blague, esti, là. C'est 24 heures, même, des fois, là. Des jeux, ça se faisait vraiment vite, puis là tu envoyais ça, puis là ça se faisait envoyer, puis les créateurs des Michael, c'était aucunement respecté. C'était juste des personnes, des line workers qui étaient des code monkeys, c'était juste du monde en bas qui faisait rien. EA est arrivé sur scène, Trip est arrivé sur scène, puis oui, je l'appelle Trip. Vous connaissez. Trip, il avait fait un calcul dans les années 70. Il voyait les industries de jeux vidéo. Puis il avait fait un calcul que s'il y a un temps de partir une compagnie de jeux vidéo, ça va être à peu près en 83. Fait qu'il a décidé de se partir une compagnie dans ce temps-là. Puis lui, son concept, c'était de mettre l'artiste et le créateur à l'avant-scène. personne n'avait fait ça avant dans le temps. C'était la première fois que les concepteurs et les créateurs de jeux vidéo se faisaient mettre en avant, là. T'avais des Donkey Kong là, qui sortaient, là, mais c'était Nintendo. Là. Shigeru Miyamoto, là, personne connaissait son esti nom là, avant qui? Les EGM des Nintendo Power des années 90. C'est vrai, par exemple. Je suis même pas capable comme... de me dire son nom. Mais, tu comprends, c'est... mon point est très clair quand même sur ça. Puis ça, c'est Shigeru des choses que EA... Miyamoto. Ça, c'est des affaires que EA ont apporté sur la table originalement. C'est des arts électroniques. C'est le respect énorme. T'as traduit le nom, genre... Electronic Arts, arts électroniques. C'est les arts électroniques. C'est les arts électroniques. Ben, tu vois, là, comme... Il a... Non, mais, tu sais, Mickey, il comprend mon message. Il comprend mon crusade un peu. Oui, non, mais je sais qu'il comprend un peu. Parce que, qu'est-ce qui est important à savoir dans tout ça, c'est qu'ils sont devenus énormément gros. Et avec ça, tu deviens public, puis tu commences à répondre à des attentes pour du monde qui met de l'argent dans ta compagnie, puis tu fais des grosses affaires, tu fais des gros moves, puis t'en fais des erreurs. Le russe, là, au game show, là, au vidéo game show, ben, il a fucking raison. Mettons en 5 minutes, tellement d'avoir marqué ça. Ben, je tentais de le dire. Je viens de le dire, là. Qu'est-ce que je viens de dire? Beaucoup de choses. Depuis non, j'étais très consistant dans le dernier 3 minutes. T'étais consistant? Ok, mais j'arrête. Non, le but, c'est juste faux. C'est constant, hey. Qu'on dit. Constant. Hey, c'est franco-ontarien. Tout ce que j'essayais subtilement de te dire, c'est qu'il te restait 5 minutes à ton segment. Mais c'est bon, ça. Exactement. C'est pour ça. Puis corrige-moi en écrit, Guillaume, pas en parole, sacrement, combien de fois faut que je te le dise. Fait que EA ont apporté vraiment de l'avant tous les créateurs des jeux vidéo au début. Puis oui, ils ont fait des affaires, sont devenus énormément gros. La marque est là. On la connaît toutes. Ils ont fait les jeux vidéo, des jeux de sport, les microtransactions sont là. En ce moment, l'industrie du jeu vidéo est dans une transition qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. Le concept de payer pour un jeu est en question en ce moment, là. Tout est en question. Ben des choses se font essayer. Ça va de rentabiliser des styles de jeu avec des upgrades puis des boosts pendant que tu joues en ligne contre tes chums. Ça vient à acheter une perruque pour ton bonhomme. Ça vient à des styles de horse armor dans Skyrim, Callis, qui était le premier DLC. Puis ça, tu payais quoi? 6$ pour ça? Ben, André peut nous dire, il l'a acheté, là. Ouais, tu avais acheté le horse armor, toi, hein? Ouais. Tu vois? C'était pas dans Skyrim, ça? C'était ça, Skyrim? Oblivion, c'était Oblivion, ça. J'ai l'impression que je viens d'avouer quelque chose de super honteux, tu sais. J'ai acheté un armure pour mon cheval. C'est parce que EA a un respect. Faut pas qu'on oublie qu'est-ce qu'ils ont fait à l'industrie du jeu vidéo. Oui, ils ont des affaires à apprendre, comme toute l'industrie du jeu vidéo en ce moment apprend. Ubi est en train de subir les mêmes leçons en ce moment, mais on les ignore un peu parce que ben c'est plus facile d'envoter quelqu'un qui dit « grind 40 heures » puis tu vas être heureux de ça. Puis c'est juste EA, c'est un des plus gros développeurs, distributeurs en fait, mais je pense qu'ils essaient toujours quand même de se réajuster. À chaque fois, nomme-moi une décision que EA ont faite qui était pas bonne, qui ont pas écouté la communauté. Ben moi, je rejoins ta pensée sur une chose où EA, les gens sont souvent plus difficiles avec eux parce que c'est les premiers à essayer. Puis il y a beaucoup de trucs qu'Ubi, ils seront pas jamais jugés là-dessus parce qu'ils l'essayeront pas parce que justement, EA va avoir débroussé le chemin pour eux autres auparavant. EA essaie juste d'offrir du contenu de qualité à leurs gens. Ils essaient juste de faire de l'argent parce qu'à la limite, puis ça, souvent, on a tendance à l'oublier, mais c'est l'industrie du jeu vidéo. C'est une affaire que moi, je veux dire à ce niveau-là, je pense, qui est un peu dommage de EA, c'est moi, j'appelle ça le syndrome Fox. Là. Ils vont mettre des studios dont ils sont propriétaires dans des situations assez difficiles à cause des décisions exécutives. Jeu qu'ils vont produire, le studio va être comme mauvais à cause des décisions qui ont été imposées. Fait que ça vend pas. Puis là, ils font « vous avez pas vendu, vous avez pas fait vos attentes, donc on va vous fermer. » On pense à Praxis et... Qui? Praxis qui faisait SimCity. Maxis n'est pas fermé. Ouais. Ben oui. Quand est-ce qu'ils ont fermé Maxis? Oui, ils ont fermé. Parce qu'il y avait eu le gros fiasco du dernier SimCity qui avait. Puis ça, c'était toutes des décisions. Maxis n'est pas fermé. Hein? Non, Maxis n'est pas fermé, guys. Il y avait un genre de DRM, tout ça, ouais. Ou, tu sais, dans le même. Ça, on s'entend, il n'y a pas juste Yé qui fait cette erreur-là. Là, il y a avec Eidos Montréal, a failli. Non, Maxis est sur SimCat en ce moment. Le logo Maxis est encore là. Excuse-moi, juste. Mais non, mais ils ont tous fermé les. Puis un peu Andromeda, c'est un peu le même problème. Tu sais, ils ont. Quand tu lis les il y a eu attends deux petites secondes, on a un problème de micro. Non mais Maxis est pas fermé. En fait, c'est Maxis Emeryville qui a fermé ses portes en mars 2015. Ouais, c'était une offshoot. Mais Maxis existe encore en tant qu'entité et fait une partie à part entière de EA. Puis en passant, Will Wright, le fondateur de Maxis, c'est un des hommes les plus heureux sur la planète, travaille encore pour Maxis. Oui. Pis... Donne une dizaine de millions de dollars à quelqu'un. Exactement. Il va être sûrement pas malheureux. Là, oui. Mais... oui. T'as raison. C'est non, mais t'as raison. Ben oui, mais très juste... bon point. Je voulais pas juste. On bon pourrait essayer avec moi. Hein, Square, Enix. Square Enix a fait la même affaire avec Eidos Montréal pour le dernier des Deus Ex. Il y a eu des documents, des entrevues très en profondeur qui sont sorties où ce que Square Enix, en tant que compagnie mère, va forcer les entreprises qui créent à faire telle chose, puis finalement ça foire, puis là ils leur donnent l'argent, sauf que c'est la business. Oh, ouais, mais ça, c'est le côté business. Il y a combien de trios dans une équipe de hockey? 4. Pourquoi? Parce que c'est comme ça depuis très longtemps, puis il y a un syndicat des joueurs. Ok, puis les meilleurs joueurs sont sur quel trio d'habitude? Le premier et le deuxième. Est-ce que tu fais jouer le troisième pareil? Ben oui. Fait que pourquoi qu'on négligerait certains autres studios qui font partie d'IA? Bon, on les néglige pas, ils les ferment. Ben non, ils font travailler, mais après ça, travailler. S'ils n'ont plus leur relevance... C'est pas de la négligence, ça. Je pense que c'est visceral. Regarde, je connais quand même EA, là, je dis pas que je les aime sans connaître qu'est-ce qu'ils font. En passant, Maxis sont encore ouverts. Pandemic Westwood sont plus ouverts. Oui, bon, tu veux parler de Westwood? Non, ils sont plus ouverts. Moi, je veux pas parler de Westwood. Mais ils sont plus ouverts. Mais tu sais quoi? Les fondateurs de Westwood, ils ont fucking cash out ce nom-là. Ils ont lancé ça dans la machine de EA. Puis ils ont donné toute leur licence. Oh, yeah. Les gars, ils font de la gradure. Puis c'est ça que tu fais dans le business. C'est trop de diable, man. Comme à un moment donné, si t'es capable de vendre un gros joueur, tu le fais. Yeah, oui. Tu fais le plus possible. BioWare, c'est le même exemple. C'est tout du monde qui ont, comme EA, ils ont pas rongé. Peter Molyneux, là, il était bien content de vendre Bullfrog à fucking EA. Il riait en tabarnak de vendre Bullfrog à EA, là. EA comme... aussi riait d'acheter Bullfrog. C'est ça, c'est ça. Tu sais, comme, tu sais, tout le monde rit, c'est correct. Là. Ouais, mais c'est ça. Exact. Tout le monde est heureux. Mais, je veux juste dire, qu'est-ce qui est important à se rappeler de, c'est que dans l'industrie du jeu vidéo, il va y avoir des gros joueurs, il va y avoir des petits joueurs. L'important, c'est que la roue tourne. Puis, une compagnie comme EA, faut juste pas qu'on oublie c'est quoi les standards qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table, en gros. Puis, si t'as de quoi à dire, dis-le. Si t'as de quoi à downvoter sur Reddit jusqu'à la fin du monde pour faire sûr que ton message est passé, fais-le. Parce que des compagnies qui écoutent à ce type de feedback-là, je pense qu'il faut que tu donnes un peu de crédit à ça. Puis, ils font ça. Je suis bien sincère quand je demande la question de quelle affaire que EA ont fait atroce, comme fermer des studios, des décisions de business. On va pas le savoir. Moi, j'ai un feeling comme Pandemic avait un problème de poudre, moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Ben, ils ont quand même fait Saboteur, hein, tu sais. Ouais. Fait pas mal de soucis à la poudre, jouer à Saboteur. Imagine, t'es EA, tu viens d'acheter Pandemic, pis là, t'as Saboteur qui est en train de se faire pousser. Tu arrives, t'envoies un représentant des EA là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec Saboteur? Oh, blablabla, gris, la ville, elle va se libérer, blablabla, histoire, l'ombre. À un moment donné, quand ça fait 2 ans que t'es en train de siphonner de l'argent dans ce petit projet-là, faut que tu commences à mettre tes pendules à l'heure. Tu dis, OK, regarde, guys, qu'est-ce qui se passe? Non, OK, toi, t'es out. On va mettre des esti de fucking personnes là-dedans. Ils vont wrap-up ce projet-là. Puis Chris Saboteur, c'était même fonctionnel quand ça a sorti. C'était correct, là. Mais juste de pas oublier c'est quoi qu'ils ont fait du début. Quand j'aime toujours l'image d'une vieille publicité, puis c'est mettre les artistes de l'avant. Puis t'as carrément tous les créateurs de EA qui sont là, puis c'est mettre les créateurs de jeux vidéo en avant. Faut pas qu'on oublie qu'ils ont fait ça. Puis oui, ils vont continuer à faire des fuck-up, ils vont continuer à faire des affaires, mais si t'es pas content avec quelque chose qu'ils font, fais la voix être entendue, ils vont s'ajuster. Moi, j'ai eu Battlefront 2 gratuitement, j'ai adoré ce jeu-là, j'ai adoré la campagne, j'ai trouvé correct en ligne, mais j'ai réalisé que j'avais pas assez de temps, puis j'ai tellement aimé ce jeu-là que je viens de le transformer en Mario Odyssey sur la Switch. Fait que merci. Tu l'as tradé. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce que. On a tendance à fixer sur le négatif, on a tendance à fixer sur. Mais c'est correct. Ça vient de chercher, c'est sûr et certain, mais c'est correct. Puis effectivement, je trouve ça cool ce que tu dis d'être vocal, tu sais, de s'exprimer. Ben ouais. Puis je trouve ça cool qu'une compagnie comme EA qui se font varloper depuis les dernières années, ça n'a pas de sens, sont encore là. Puis ils essayent de faire des jeux, puis tout le monde leur tape dessus, puis ils continuent d'essayer de faire des jeux. Pis il essaie de répondre au comme fuck, ok, vous voulez pas de season pass, pas de trouble, on les enlève. Tiens, Titanfall, il est là, pas de season pass, rien là. Ouais, personne Titanfall jette. Single player, parce que le premier, il en avait pas en plus. C'est ça, ouais, mais le premier Titanfall, c'était vraiment un cash grab, tu sais, on met ça, ouais, Microsoft, ils ont mis de l'argent dessus, donnez-moi de quoi de mettre. Dans le monde, ils voulaient pas de jeu avec un story, tu sais. Non, Titanfall, on va pas ouvrir ce sujet-là, mais Titanfall 1 existe à cause de Microsoft. Merci, Eric. Hein. Ouais, mais moi, fait plaisir. Moi, je veux juste ouvrir une petite parenthèse qu'est-ce qu'Eric a dit. Ouais. C'est Westworld qui était sa poudre. Ouais, non, Pandemic. Non, non, je pense pas que c'est ça, mais j'ai un feeling que les propriétaires de Pandemic, là, ils étaient des mots de tête. Moi, je pense pas que c'est ça, juste parce que t'as dit qu'il retardait le jeu, puis nanana, puis moi, du monde, ça a poudre, j'aurais l'impression que le jeu aurait sorti d'avance. J'ai dit ça de même, là. En passant, si tu peux trouver Saboteur, de Saboteur pas cher sur le PS3. EA Access. C'est, y'est-tu sur EA Access au PC, hein? Au PC, t'as accès à Saboteur pour EA Access. EA Access tombe en vente à quelques reprises par année, c'est 29$ par année. Puis t'as accès à un catalogue de jeux quand même assez impressionnant. Fait qu'honnêtement, ça va. Hey, moi, y'a personne qui peut m'estimer contre 30$ par année d'un EA Access, là. Faudrait que je m'abonne. Xbox, je sais pas. Juste sur Xbox. PlayStation n'a pas EA Access. Non, non, non. Puis EA vont pas le donner à Sony non plus. Une des nombreuses choses que Sony n'a pas. Mais c'est. C'est tout ça, c'est une guerre territoriale, ça. Mais ça, c'est tout un autre sujet, ça. Donc, Microsoft puis EA, ils ont un plan. C'est. De battre des compagnies japonaises. Merci. Merci pour cette déclaration. Font bien. Les hosties de jaune. Fait que, qui va enchaîner, messieurs? J'ai pas... Hein? Quoi? Hein? Il a rien dit. J'ai rien dit. De quoi? Ça, André, c'est un cas de... Tu vas le redécouvrir au montage. Ouais. Dans 6 mois. Fait que, non, mais... qui veut se prêter au jeu, messieurs? Moi, faut juste que je sois après toi. Peu importe soit qui. Après moi. Mais il faut que seulement ça soit après toi. Fait que t'es en train de me dire d'y aller ou autre. Moi, je peux y aller. Tu parles à la toilette quand tu veux, écoute. Y a pas de je vais sortir mes notes. Ben, attends, mais tu soulèves un point important. Voulez-vous prendre une pause? Sure, ouais. On prend-tu un break? Yes, il est 9h30, on prend un break de 5-10 minutes. Tout le monde va faire papy. Yeah. On vient en force. En force, timé, puis on repart ça. Non, je vais juste continuer de dire qu'EA sont incroyables pendant toute la soirée. Non. Bon, shooter! Fait que, guys, courte pause. Pinot jaune. On vous hein? Non, mais... Bon. Il y a une qui allô, André. Salut! Hey, il n'y a pas de geek de char ici, t'esti? André. Bon, t'esti. Anyway, ben, c'est de l'américain, c'est, ouais. C'est une joke, c'est une joke. Là. C'est une photo de Charles, je suis sûr que t'es bien cool aussi. Là. Fait que. qui veut enchaîner? Parce que là, ben. Ben, c'est une déclaration. Fait que ça peut être à Milser. Apparemment, Guillaume va y aller en dernier. Ben, ça les dit dernier ou après toi? J'ai dit après toi. Toi, t'es prochain, lui est prochain. Mais Milser, il a l'air fin prêt. Ah non, je suis en train de jouer un jeu sur mon sel. Non, c'est pas vrai, pantoute, je le confirme. Arrête de regarder. Il check ses notes. T'as-tu une déclaration à nous faire, Max? Ben, c'est une grosse déclaration. Elle sera pas aussi longue que celle de Rick, en général. Rick, hey, avez-vous quoi à dire? Ben, c'est pas une mauvaise chose. Coeur, c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est ça. Mais, bref. Ouais. Ok, Fuse, pas moi. Là. On aime les jeux vidéo. Ouais. Je t'ai subtilement shifté. C'est bon. Ok. Le pire, c'est que j'ai passé toute la semaine à me dire qu'est-ce que je pourrais bien déclarer en ce moment devant tout le monde ici. Finalement, c'est pas quelque chose de gros, mais c'est quelque chose que c'est effectivement le cas, puis c'est ma copine qui m'avait amené ce point-là. Je suis un gros fan fini de tout ce qui est Final Fantasy. Ok. Vraiment, peut-être, je dirais, un petit peu obsessif. Je connais pas l'histoire vraiment derrière, tu sais, toute l'équipe derrière Final Fantasy en général, ce genre de choses-là. Mais au niveau du gameplay, j'ai toujours été attiré par ça non-stop. J'ai déjà acheté des jeux à plusieurs reprises. Puis je me souviens quand j'étais jeune. À plusieurs reprises, les différents jeux ou le même jeu? Le même à jeu. Plusieurs reprises. Un exemple que je peux te donner, Final Fantasy 4. À un moment donné, il était sorti. Mais c'était Final Fantasy 2 sur Nintendo. Ok, c'est ça. Le 2 ici qui était le 4 là-bas. Ouais, exactement. Donc le 2. Fait que t'achètes le 2. Je suis déjà fourré. Ensuite, hein. Sur PlayStation, il avait sorti le Final Fantasy Chronicle ou Anthology dans laquelle il l'avait. Je l'achète. Ensuite, il la ressort sur smartphone, je l'achète. Il la ressort sur Steam, je l'achète. Avec le HD pack, là. Les HD, puis les nouveaux sprites qui finalement sont dégueulasses. En 4K. Ouais, mais c'est vraiment c'est un style weird. C'est... Mais je comprends ce que tu veux dire. Fait que, peu importe, j'ai toujours acheté ces jeux-là, puis j'ai toujours, comme, réacheté. Un peu trop apprécié à ce point-là. Je suis pas capable de dire, ok, je l'ai fini, je les retoucherai plus parce que je connais la storyline par cœur. Je finis toujours par la regarder, puis me dire. Il me semble que j'ai le goût de rejouer, puis finalement, au pire, je m'en relance. Constamment. Puis, ça a parti de, quand même depuis que je suis très jeune. Je m'en souviens, c'est une anecdote un peu de ma vie, c'est pas nécessairement relié à ça direct. À côté de chez nous, il y avait un club vidéo. C'était pas super club Vidéoton. Club Vidéo J, le bleu avec non, le bonhomme en éclair avec un t-shirt. C'était pas être autrement, mais écoute, le lac de Novatech. Novatech. Non, Roman. C'était un club vidéo. Ah ouais, c'est un club vidéo. International. On va l'avoir, Max, c'était quel? Magnum Vidéo. C'était-tu un, c'était-tu un dépanneur? Non. C'est pas loué tes jeux de dépanneur, j'espère. Non, non, non. Y avait-tu des scrunch? Oui! Y avait des scrunch? Vidéo Super Choix. Beto ou VHS. Super Choix. Super Choix. Non. Ben oui, il y avait Super Choix, mais c'était pas celle-là. C'était un vidéo de coûte de coin de Pointe-aux-Trembles. La place était peut-être aussi grosse que la salle qu'on a ici présentement. Un indépendant. Oh, des estis. Un trou de diable. Comptoir, t'avais à peu près la grosseur de la table comme comptoir. Laisse-toi pas distraire par le monde. Non, non, mais attends. Excuse-moi, je veux pas distraire, mais je vais juste vous expliquer quelque chose. J'ai toujours une phobie constante que quelque chose chie, pogne en feu ou plante. Fait que quand quelqu'un me parle, je viens tout de suite comme... Qu'est-ce qui fuck? C'est ça, j'ai le focus sur ça. J'entends à côté. Plante. J'ai le feu en arrière. Ouais, ah, là, là, il commence encore. Vas-y, Max. Puis je me souviens, j'étais rentré dans ce club vidéo-là. Puis il y avait des jeux partout ces murs, mais les jeux les plus importants ou les plus populaires, c'était dans un casing en verre, un peu comme on a comptoir ici au Geek Stuff, dans lequel tu avais tous les jeux. Puis, t'en as que c'était marqué autour, c'était 4,99 la location. T'avais certaines cassettes, c'était 7,99. Puis t'avais des pastilles de couleurs. Ça, c'est pas cool, par exemple. C'est comme la SAQ du jeu vidéo dans le temps. Ouais. Les pastilles de couleurs, les prix différents. Mais ton Corner Trigger, que t'as coûté 250$ officiel pour te donner le droit de le louer, tu veux le rentabiliser vite en estime. T'es pas obligé de le louer 17,99 juste parce que c'est Corner Trigger. Je sais pas s'il vendait plus cher dans le temps. À peu près avoir 5 ans dans ce temps-là. Puis il y a une cassette qui m'attirait dans ce lot-là. Puis c'était la cassette de Final Fantasy 1. T'avais une épée puis une hache autour d'un genre de globe de cristal dans lequel tu voyais la planète. Je trouvais ça va l'air cool, c'était l'affaire médiévale, je triplais dessus. J'ai dit à mon père, je devrais ça louer. Puis j'ai la petite crise de commis du club vidéo qui fait comme ah non, non, ça on peut pas louer aux gens, c'est même trop dur comme jeu pour eux. C'est trop violent. Non, non, il dit c'est trop jeu, trop dur, trop compliqué. Fait que finalement, mon père me l'a jamais loué. J'ai toujours été attiré par ça. De cassette-là. Le propriétaire protégeait un save game. Wow. Spoiler. Le pire, c'est que ça s'est continué en allant au... Comment ça s'appelait à l'époque, cette vidéo-là? Ça s'appelait le Vidéo Suprême, qui est devenu le Super Club Vidéotron par la suite. Il y avait la cassette de Final Fantasy 3, qui est le 6 en réalité, qui était là constamment loué. T'es jamais capable de l'avoir. Je sais pas... Fait qu'il y avait un commis de nuit heureux à quelque part. J'imagine, je sais pas si quelqu'un dans le retail à l'époque qui était peut-être dans un club vidéo, ben un magasin pourrait peut-être confirmer si c'était peut-être une denrée rare les jeux Final Fantasy à l'époque, le 2 puis le 3. C'était toujours loué, j'étais jamais capable de l'avoir. Un jour, j'ai réussi à le louer, ça m'attirait. Le jeu, c'est là que j'ai comme tombé en amour solide avec. Ah oh, mais le 3 mais là... Pourquoi louer un RPG le 3, même? Moi je dis le 3 parce pourquoi que pas? C'était le 3 pour nous autres. Tu la jettes? Mais le 3 là, c'était quelque chose là. Oui, à 5 ans, tu la jettes. Ah, ben, ouais, non, mais tu peux les louer, les RPG Milter. Moi, je trouve que c'était ça qui était le fun. Tu le louais, puis après ça, tu l'achetais. Puis, ouais, mais c'était un gamble de... Si tu le finis, si tu le finis une semaine, c'est cool. Mais si après, il faut que tu gambles, je vais-tu revoir ma save game, il faut que je reparte de zéro. Mais, living on the edge, mais ça t'apprend à vivre. Ouais, j'avoue. Louer les cassettes de SNES, c'était ça à l'époque. Ouais, ça louait, puis si t'avais un save game, mais il fallait que tu prennes pour acquis que t'allais peut-être l'en louer deux semaines, un mois plus tard, t'allais tout perdre tes sticks d'affaires. Puis tu checkais le numéro pour louer la même cassette. Ouais, parce que des fois, il y avait 3, 4 copies. C'est là que j'ai ma game. Puis finalement, ouais. Ben, je me mélangeais puis je perdais toujours mon save. Exact. Fait que tu la jettes. Mais je me rappelle, ce jeu-là, j'ai dû pas loin d'à peu près 80$ au Super Club Vidéotron pour l'avoir gardé longtemps. Pour ah, quand même pas assez pour l'avoir acheté. Ben, c'est quand même moins cher que le prix de détail dans le temps. Ouais, c'est ça. Il était tout 119. Ouais, Final Toy était 189, quelque chose comme ça. C'était 100$, ouais. C'était, ouais, j'ai vu 16 meg. Le pire dans cette histoire-là, c'est que je l'ai loué longtemps, puis, ben, comme tous les jeux de Super Nintendo, t'as des save games limités, t'as genre 3 slots, puis, moi, j'en pogne une dans la gang, je l'efface, je pars ma gang. À peu près 2 semaines plus tard, j'ai un de mes chums qui m'appelle, parce qu'il savait que je l'avais loué, puis que je l'avais loué longtemps, il dit, la game avec Terra, level 80Q, c'est-tu toi, ça? Ouais, pourquoi? Mon tabarnak, t'as effacé ma save game, mon asti trou de cul. Pis c'est là qu'il est reparti en pédalant avec son bicycle avec la carte de hockey dans le dérailleur. Non, non, il m'avait appelé. C'est comme une motocross. Il m'avait appelé au téléphone à cet moment-là. C'était ça pareil. Hey, mais je peux-tu te partager une anecdote de Final Fantasy pis Club Vidéo? Il me fait tellement rire des fois. Quand ils ont sorti Final 7 au PlayStation 1, avec les 4 CD. Man, Je sais pas si vous vous souvenez, là, j'ai une manette, là je peux pas vous la montrer en arrière, mais j'ai une manette de Club Vidéo qui était pour les consoles, qui fait à peu près 2 pieds par 1 pied, par 2 pieds, tu sais, c'est un asti de bétail, là. Je pars en basic, il doit faire à peu près moins 10, j'ai la pluie dans la face, il vente, je m'en vais au Club Vidéo à côté de chez nous pour louer un PS1 avec Final 7 qui vient de sortir. Déjà qui est un exploit. J'ai le dépôt cash que mon père m'a fait genre, tu perds ça, t'existes plus. Fait que je m'en vais là-bas. Fait que ta vie vaut 50 piastres, genre, aux yeux de ton père. Non, non, non, le dépôt, man, c'était comme 400 quelques piastres dans le temps. C'était fucking abusif, là. T'aurais pu acheter 2 fois la console. Puis là, je ressors du Club Vidéo avec la grosse mallette, puis le Final 7. Puis là, je suis content d'avoir les poignées de taureau, c'est basic. Tu sais, on avait ça dans le temps, nous. On achetait les poignées, puis on mettait ça. Mm-hmm. Là, j'accote la valise là-dessus, puis là, je pars. Puis là, je pars, j'arrive à la maison, tout trempe, plug ça, réalise qu'il n'y a pas de fucking memory card dans la boîte, faut que je retourne aller en louer une. Le vidéo est à 45 minutes de chez nous. Je m'en souviens encore comme une des expériences les plus fun de ma vie, par exemple, parce que quand tu partais Final 7, t'étais comme... On devait faire... Je capotais. Les graphiques, la musique, tout, c'était incroyable. On devait faire un épisode sur nos expériences, nos mémoires de Super Club de location. Que je pense que c'est un feeling qui vous. Moi, puis André, on a travaillé à un club vidéo juste ici, pas loin à Vimont, puis on pourrait vous raconter des histoires d'art. Ouais, ben, on est tous, on est 3 qui a travaillé dans le club. Je pouvais me louer de la musique. Moi, je louais de la musique. Ouais, il louait de la musique. Fait que une toune, je t'ai loué 2 piastres pour une soirée. Fait que Milton, là. Vous saviez pas, mais c'était quoi le magasin que tu travaillais à? Ben, j'ai fait Fantasmagoria. Mais au Fantasmagoria. Non, Musigo. Ah non, c'était au Musigo que tu m'avais dit que t'avais fait la pancarte, genre, où ce que le monde, il payait 10$ par mois. Puis toi, t'es laissé prendre les 10 que tu voulais, puis t'appelais ça Spotify. Ouais. C'était malade, c'était temps-là. Puis après ça, tu t'es fait dire que l'idée, c'était pas bon. J'avais pas d'estime avoir dépensé combien en Final Fantasy à ce jour? Question de même. J'ai jamais fait le calcul, mais écoute, au nombre de jeux que j'ai loués, que j'ai achetés et que j'ai rachetés, écoute. Ah oui, mets les abonnements des jeux en ligne aussi. Là. Ah ben écoute, si on parle d'Final Fantasy 11, Final Fantasy 14. Ouais. Ok, j'ai capté les 4 chiffres, c'est sûr et certain. Est-ce que tu regrettes ça? Oui, absolument pas. Good. Absolument bon, pas. Puis en plus, tu m'as piqué une anecdote sans vouloir. Oh! Une histoire de louer Final Fantasy 7 avec le PlayStation en laissant un dépôt sur les Vidéotron. En basic, toi avec? Puis réaliser que t'as pas de fucking memory card. C'est arrivé. Mais... Moi, l'histoire de la PlayStation qui restait allumée toute une fin de semaine. Oui, c'est pas grave, c'est pas à toi. Le seul problème, c'est que quand j'ai loué la console, je louais pas juste Final Fantasy, j'ai loué aussi MechWarrior en même temps. Ah, fait que tu fasses des choix difficiles. Deux jeux que t'as pas le choix d'avoir une save file quelque part. Fait que tu commençais un jeu, puis on s'entend, tu Final Fantasy, tu peux pas juste avancer puis dire ça va bien aller. Faut que tu grindes. Oh, excuse-moi. Ouais. Faut que tu grindes, tu pognes des levels, puis là, une fois que t'es assez fort, là, tu peux aller péter le boss. Fait que tu t'as pas le choix de le laisser ouvert puis avancer. Finalement, tu lâches Final, tu sautes sur MechWarrior, joues un peu, ah c'est bien cool, t'as retourné sur Final. Bon, ben il faut que je recommence toute l'intro du début, fuck off. Finalement, j'avais pas beaucoup joué cette fois-là. Ouais, ça c'est une plaque comme expérience. Train, man. Ça a été une mauvaise expérience de Final Fantasy, première expérience de Final 7, hein. Honnêtement. Moi j'ai vécu ça, le pas de memory card avec Grand Theft Auto, Vice City. Fait que aller porter la fille du boss de la mafia, genre, la ramasser puis elle l'a portée à un club. J'ai dû le faire 500 fois parce qu'après avoir fait cette mission-là, je faisais juste battre une vieille, pogner un gun, puis partir sur un rampage. Puis là, ben, tu meurs. Puis est-ce que tu cherchais pour la vieille? Non, elle était là. Il y a quand même rue, plein là, de personnes. Il était partout, là. Okay. Non, mais dans le temps, il y avait comme pas beaucoup de character model. Cheveux gris, marche là avec la canne. Ah! Cible facile. Avec le bonus de drift. Non, mais c'était ça pareil, là. Fait que Final Fantasy... Mais aussi, avant de continuer, sûrement, je suis d'accord avec un épisode éventuel d'expérience de location de jeu, parce que moi, j'ai une anecdote de moi qui va au Blockbuster, puis je finis la moitié de mon corps en sang. Oh, OK. On garde ça pour plus. L'autre moitié, pour la saison 2. L'autre moitié était plein de gazon. Fait que je vous... Imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Ça ferait un bel épisode 101, ça. C'était spécial. Fait que là, mettons qu'on respecte Maxime, là, pis qu'on le laisse finir son segment, là. Ah, il avait pas j'ai fini. Essayé de le guider vers ça. Pensais qu'il avait fini. C'est la deuxième fois, tabarnak. Non, pas ça part. Bref, pour revenir après mon anecdote de Final 7 puis de Final Fantasy 3, Ce qui était dommage, c'est qu'à partir d'un certain temps, on s'est fait avec les Vidéotron, la cassette était comme supposément toujours louée. Puis en fait, j'ai rendu compte qu'elle a été volée. Le gars l'avait jamais ramenée. C'était peut-être moi, jamais... ça. C'était ton ami qui t'avait chié dessus parce que t'avais fait non, sa game. Non, parce que non, lui, il l'avait pas. Puis j'ai comme. Ils ont juste laissé la boîte là. Ils l'ont jamais enlevé des stocks. Fait que j'ai jamais pu rejouer à Final Fantasy 3 avant qu'il la ressorte sous Final Fantasy 6 dans Final Fantasy Anthology qui est sorti une couple d'années plus tard sur PlayStation. Puis ironiquement, j'ai joué au 7, j'ai joué au 8, j'ai joué au 9. Puis, pour revenir à mon anecdote d'enfant quand j'ai joué avec la cassette de Nintendo, c'est rendu quasiment en quoi 2002 que je me suis acheté la cassette de Final Fantasy 1 sur NES en me disant « Chris, depuis que j'ai 4 ans que je joue à ce jeu-là, là, enfin je peux jouer. » Fait que je prends la cassette, je la mets dans l'NES sur ma vieille TV en bas, je suis dans le sol de mes parents. Puis finalement, le gars, il avait peut-être pas tort quand il disait que ce jeu-là, c'était peut-être un peu trop dur pour les gens. Ouais, faut que tu comprennes le grinding là-dedans. Ben, le grinding, puis là, quand tu penses, les textes sont mal traduits, ils sont courts, tu comprends pas vraiment, t'es plus ou moins guidé. Puis il y a un gaming flaw dans le jeu que c'était mal programmé. D'ailleurs, il y a deux choses qui étaient mal programmées dans ce jeu-là que j'avais remarqué. Yo, c'est un studio sur le bout du mur, man. Ben, bout du gouffre, là, laissez donc. Final Fantasy, c'était censé être leur dernier jeu, puis finalement, ça a été leur plus gros succès. L'ironie des gars, c'est comme fuck, on veut juste arrêter, man. Ouais, ça, c'est un Final Fantasy. Fuck, c'est un hit. Il y a un comedy vidéo sur YouTube avec Hironobu Sakaguchi, justement, où est-ce qu'il se dit ok, c'est notre dernier jeu chez Square, on va créer Final Fantasy. Puis les gars, les présidents, puis les gars de Squaresoft à l'époque viennent le voir en disant hey, le jeu, il est bon, ça a pogné solide, même si c'était censé être notre dernier jeu, on va en faire un deuxième. Là, Sakaguchi est comme « Ah oh non, fallait pas arriver. » Fait que je vais te sortir des histoires boboches, des affaires qui font aucun sens dans le deuxième. Ça va être dégueulasse. On va voir si. Puis c'est encore plus pogné que le premier. Voir des jobs par rapport. Puis là, ils vont aller jusqu'au 7, où est-ce que c'est un masterpiece. Puis là, il se dit « Ok, on veut un film. » Il fait comme « Ok, bon, on va essayer de faire les fois avec un film. » Il fait comme « Ah, ben ton film, c'est de la merde. » Fait que « Décalisse. » Là, tu vois Sakaguchi qui est super content, finalement. Enfin, j'ai pu décrocher de cet univers-là. Je serais d'accord avec lui parce que. Vas-y, je vais pas te couper. Non, ben tu me coupes pas, c'est moi qui te coupe. Je serais juste d'accord avec lui de vouloir être décroché. Pour revenir à mon amour de Final Fantasy, puis surtout du 1, effectivement, c'était trop difficile, mal guidé. Puis un des gaming flaws que t'avais dans le jeu, c'est que t'attaquais les mobs. Puis moi, j'étais genre à tapoter oh, super vite sa manette. Là. Je veux juste avancer puis grinder. Puis là, je me rends compte que les batailles sont bien dures. Puis là, tu te rends compte, une fois que tu pètes l'ennemi, le jeu n'a pas été programmé assez intelligemment que. Tes gars, si l'ennemi était mort, fessaient dans le vide. Au lieu de se dire, ok, lui il est mort, je vais aller taper un autre ennemi random. Ah, c'est vrai, tu faisais miss dans le temps. Tu faisais miss. Ça disait juste comme no effect. Tu tapais dans le vide absolu. Fait que moi, ça m'a pris quasiment une couple de semaines pour comprendre que, ah, c'est juste mal fait. Mais attends, pourquoi c'est 4 à 5 ans, c'est confiance top. Aveugle envers un studio de jeu. Mais c'est à cause que à cause, fallait que tu choisisses l'autre pernum ou ouais. Ben, c'est ça, c'est que fallait que tu dises. Il reste comme encore sélectif. C'est ça, c'est ghost. Il était disponible quand même. La case est encore disponible selon le jeu, mais elle disparaît juste quand t'es rendu à ton prochain tour de jeu. Ah oh, shit, ok. Ça fait longtemps que t'es pas rendu à nouveau au tour de jeu, le jeu pense encore que tu y a de quoi, mais il est inexistant. J'ai pris quasiment une semaine pour m'en rendre compte. Pas pour trop déraper, parce qu'on dérape pas à soir. L'été que Final Fantasy 3 est sorti, moi et mon ami, un des bons chums, on a trouvé un sac que quelqu'un avait volé de quelqu'un, il avait laissé ça dans un parc en avant. Il avait vidé tout le portefeuille, mais il avait laissé une carte d'un Jumbo Vidéo. Le gars, il avait pas vu de valeur pour ça. Mais deux gars de 12 ans ont compris la valeur en crise. Puis on est allé louer. Jouer tout de suite où tu t'en vas. Great mind louer. Think alike. Un Final Fantasy 3 qu'on n'a jamais retourné. Puis est-ce que tu demeurais à Gatineau Hall dans le temps? Non, okay. Non. Faut être au 30, j'ai toujours été toute ma vie. Fait que non, c'est pas toi qui a pas l'air. C'est de même, c'était un ça, puis ouais. Anyway, j'ai honte. J'aurais loué plus qu'un jeu. T'as pas avoir honte de quelque chose que t'as pas réellement volé. Ouais. Ben, il l'a jamais. Je me suis toujours imaginé, c'était une femme, en plus le nom, je me suis toujours imaginé à un moment donné qu'elle revient, pis comme, qu'est-ce que tu dis, j'ai un late fee de 95. C'est quoi ça, Final Fantasy? Pis je peux juste. Pis en plus, avec mon expérience au vente de détails, je sais que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un gérant à un moment donné était comme, ouais, fuck, sorry. Fait que, Ouais, puis ils ont juste assumé le coup. Puis... Anyway, ils sont pris que le markup, c'est les films qu'elle louait en arrière des portes de cowboy. Bon, Final Fantasy, Max en amour. Ouais, ça a été une histoire d'amour qui est encore aujourd'hui dure, même si le Final Fantasy XV, c'est quasiment Backstreet Boys de game. Moi, j'ai trouvé cool quand même, là, quand même. Backstreet Boys, on pense vraiment que c'est... En fait, c'est... En fait, non. Boy Band Simulator. C'est Carl Robert Simulator. Check-les, là, il a dit... Je savais que ça s'en va. T'as vu un moment où Carl, il le rit avant que Rick dise... Si je bouge pas, il me voit pas. Mais c'est lui qui l'a dit. C'est quoi t'avais dit? Tu l'avais callé directement ça. Là. T'avais dit que j'oublie le nom. J'ai allié pareil comme le Noctis. C'est Carl Robert Land. Ouais, mais c'est ça que t'avais dit. C'est une joke. Mais Final Fantasy XV. Ouais. Mais Final Fantasy XV, c'est Carl Robert Land. Aïe aïe! Est-ce qu'il y a le 15 quand même? Il est beau en plus. Il est excellemment beau. Puis le pire, c'est que comme j'expliquais que, mettons, le Final Fantasy 4, je l'ai racheté à plusieurs reprises. Je le montre plus haut parce que comme ça, quand il retombe un moment donné, il va. Ouais. Okay. On va finir par plus m'entendre. Et voilà! Mais c'est ça, comme le 4 que j'ai acheté à plusieurs reprises, le 15, il va sortir bientôt sur PC. J'ai un brand new PC. Cool, ça. Enfin, un jeu que je peux jouer à 60 FPS en 4K. Oh. Mais dis la meilleure femme à One X, il est en 60 FPS. Je sais pas c'est quoi son prix sur PC, il a pas été annoncé, mais ça est sûr et certain, je vais me le racheter. Puis en plus, il vient avec tous les DLC. Oh. Fait que pourquoi pas. Exactement, man. Puis en même temps. Payer pour des boosts puis des cartes qui vont te donner des level up plus vite. Non. Moi, je paierais pour ça. Il n'y a pas de danger de ce côté-là. Mais tu sais, je m'en fous de l'avoir payé plusieurs fois, c'est de donner mon argent à un studio que j'aime bien gros. Puis ils sont plutôt rares les jeux de Square. Qui ont été vraiment de la merde. Même Final Fantasy XIII, que ça n'a pas été le meilleur, là, on s'entend. Même lui, je l'ai trouvé quand même relativement. Ils ont fait un jeu de course au PS2 au launch qui était Emotion Driving, c'était un peu weird. Là. Sérieux? Ouais. Un jeu de Square que je connais. Attends, non, mais je pensais qu'il parlait de Squaresoft. Ouais. Ouais, mais. Squaresoft, ils n'ont pas toujours sorti des jeux écœurants, surtout qu'ils ont acheté des jeux. Surtout pas les jeux de course. Ben, Rad Racer. Rad Racer, ah, c'est vrai que ça, c'était cool, ça. C'était cool à l'époque, Rad Racer. Hey, moi, j'ai joué beaucoup, là. Si tu permets, là, dans le fond, en terminant, Max, là, parce que j'ai une anecdote de club vidéo, fait que je vais shifter Milter, mais je vais te laisser finir avant, fait parce que Milter, tu vas passer en arrière, on te garde pour la fin, parce que Guillaume s'en vient après. Fait que je vais te laisser terminer ton segment, puis après ça, je vais jump in, parce que j'ai du club vidéo love à partager. Ben, en fait, je finissais sur cette note-là, comme quoi que Final 15 va bientôt sortir sur PC, puis comme j'ai fait avec Final Fantasy 4, ben, je vais me le racheter une fois de plus, puis no fuck given, parce que j'aime ça, puis guess what, probablement qu'il y en a un autre qui va ressortir sur PC éventuellement. Jamais! Un oncle! Non. Non. Il est juste comme, acheter mais moi, un j'aimerais ça VR à 450$ pour jouer à un jeu de pêche. En VR? Non, mais c'est pas juste les jeux de pêche, t'as d'autres choses avec ça, là. Ben, merci Max pour ta passion pour Final Fantasy, c'est cool. Puis t'as haine pour les jeux de pêche. T'as haine pour les jeux de pêche de VR. Mais je suis sûr que juste en parlant de ça, il y a du monde qui vont écouter et qui vont faire comme fuck that. Je ressors la cassette, je me remets à jouer. Puis je vais sûrement me reclaquer à la scène de Train Final 7 comme à chaque année avec plein de bonnes intentions pour faire fuck that. À Noël. Tu vas entendre au remake. Exactement. Hey! Moi, là, j'ai une déclaration que je vais vous faire aujourd'hui, puis ben là, il y a du monde qui vont s'en douter un petit peu, mais j'ai un amour profond dans ma vie. Lui, il est comme, oui, on close ça tout de suite, il sort. Mais j'ai un amour, puis j'ai un amour profond pour le cinéma, pour les films. Non, ben oui, mais ben, c'est fait que c'est quasiment un film quand tu y penses. Mais non, mais j'ai un amour précis pour une période de cinéma. Puis j'en ai parlé quelques reprises dans le fond, quelques reprises dans le podcast. Puis je veux extrapoler un peu là-dessus, mais justement, tu sais, on a eu la chance de travailler dans des clubs vidéo, plusieurs d'entre nous. Puis honnêtement, j'ai travaillé dans les belles années des clubs vidéo. Dans les années du VHS, dans les années du début du DVD. Dans le fond, dans le temps que les clubs vidéo existaient. Exactement. Il existe encore. Vidéo. contractuellement obligé. C'est vrai, merci Minter. Mais ils vendent des cellulaires. Les propos de mon humble personne se détachent de tous les propos de l'entreprise dans laquelle je travaille. Aucunement, ils pourront être retenus contre moi. Fait que... Je l'ai plugué deux, trois fois, mais... Fait qu'on rattache aucun propos d'André à EB Games, c'est ça? Exactement. OK. Fait qu'en réalité, là, c'est que j'ai eu la chance de vivre les belles années des clubs vidéo, les années du VHS, les années du DVD, mais surtout les années 80, 90... Jusqu'à temps que le début 2000 arrive, je pogne les nerfs, puis je commence à trouver ça dole en tabarnak le cinéma, à part quelque chose. La science-fiction, c'est le fun, les effets spéciaux sont améliorés, mais les histoires sont appauvries, puis il y avait un temps simple du club vidéo, puis il y avait un temps simple du cinéma où t'écoutais des films genre Passager 57, Wesley Snipes, Cuirassé en péril, t'écoutais L'Agent fait la farce, t'écoutais des films... avec la profondeur, des films sans aucune prétention, des films le fun, des films que, il y en avait tout le temps un autre. Tu rentrais au club vidéo, puis il y a plein d'affaires à écouter, toute la kit, puis tu découvrais tout le temps du stock, puis c'était le fun. Puis c'était des années où, Chris, tu pouvais faire un film basé sur deux gars qui volent le condo d'un gars riche, puis pendant qu'il est mort, il se promène avec pendant une semaine sur la beach pour faire croire qu'il est encore vivant pour vivre la belle vie. Fuck yeah! Pis ça, c'était Hollywood! Pis c'était correct! C'était l'école de ski s'en va en l'air. L'école de ski, c'est sûr. Ouais, mais ça, c'est 90. Une déclaration, c'est le 90. Monde le savent. Mais je trouve que les années 80, puis jusqu'à à peu près milieu, maximum fin 90, il y a eu des excellents films. Des films que qui avaient pas de sens nécessairement, mais qui avaient toujours la gang qui voulait faire le party, puis la gang de conformistes qui voulait pas qu'il y en ait de party. Puis là, ça clashait. Dans une façon où, ben, tu peux avoir un setting comme l'école de ski, avec la section 8 qui représente le fun, puis la section 1, que c'était les jocks, puis ils voulaient pas. T'avais Revenge of the Nerds, ou t'avais les nerds avec les tri-lambda, puis t'avais, ben, justement, les alphabeta, puis tout le kit. Puis après ça, ça a évolué avec hackers, où t'avais ceux qui voulaient libérer l'information avec des virus tels que Cookie Monster, et le lapin qui donnait le cancer. Qui se battait avec des VHS. Qui se battait avec des gens de keygen russe louche des années 2000. Là. Fait que ça, c'était écœurant, c'était des virus. Mais il y avait de quoi de magique dans le cinéma dans ces années-là. Puis c'était le fun. Puis j'ai remarqué que je vais toujours aller rechercher ce feeling-là. Je vais toujours réécouter. Il y a des films que je vais réécouter à chaque année, au moins une fois par année, deux fois par année, trois fois par année. C'est peut-être obsessif, mon affaire, finalement. Mais... c'est pas une année normale si j'ai pas eu mon bout ou ce que je fais comme fuck là, faut vraiment absolument que j'écoute Hackers, faut vraiment que j'écoute Naked Gun 33 et 1 tiers. OJ Simpson, faut que je m'en rappelle, tu sais, dans le temps qu'OJ faisait du cinéma pis il était drôle. Dans le temps qu'il était drôle, il l'était. Dans le temps que les traductions de films québécois étaient bonnes. Dans le temps, ben, oui, surtout. J'ai appris le joual, le fait divers. J'ai appris qu'il y a peut-être un gros max, une demi-douzaine ou une douzaine de films comme ça. Toi, ta mission, tu m'avais dit, c'est d'en trouver le plus. Oui. Mais j'en ai parlé beaucoup avec Élie Rodrigue, mm-hmm. d'Arcade MTL, puis d'autres choses. Mais il disait hier qu'il a fait des recherches, puis comme un gros max de comme une dizaine de jeux, de films. Mais il y a un site web qui est dédié juste pour ça, qui est doublage QC, si je ne me trompe pas. Je publierai le link jamais sur le podcast, parce que chaque fois que je dis je fais de quoi, je le fais pas, Cordis. Mais vous pouvez aller googler doublage Québec, puis effectivement, il y a une couple de films, puis je me suis donné comme une genre de mission de trouver des DVD rip qui sont dans une zone grise de légalité parce que le doublage n'existe plus, mais le film est encore vendu. Fait que tu sais, des perles telles que New Jack City. Merci pour où, ça. Où Marc Labrèche et Bernard Fortin font les voix de Wesley Snipes et d'autres mondes. Dans le fond, faut que tu pognes des rips de TQS dans le temps. Ben, c'est vrai de ça. Fait super écran. Je veux construire une genre d'archive, puis sauvegarder, puis préserver ces films-là. Mais pas juste eux autres aussi. Tu sais, il y a eu tellement de films qui avaient juste pas de sens quand tu y penses. T'sais, honnêtement, aujourd'hui, là, en 2017, si tu essaies de faire un pitch pour faire cœur-circuit, c'est clair et net qu'à un moment donné, il va y avoir une scène fucked up où cœur-circuit, il se bat contre de quoi, puis il défend l'inégalité qu'un message de... Mais comme dans le film son original. Identité non, sexuelle, c'est dans le 2, dans l'un, c'était juste fuck all. C'est juste dans le 2 qu'un matin il finit qu'il est gold-plated avec un mohawk, des piercings, puis finalement, il aime tout le monde, puis son laser, c'est une boîte à mal. Fait que, tu sais, C'est ces genres de choses-là où le cinéma pouvait s'excuser. Non, mais il chassait dans un. Ok, je vais pas partir un short circuit. Mais ouais. Mais tu sais, à vous, sauvait, ouais, je comprends. Inner Space. Un gars. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, André, hein? Mini, André. Il rentre dans le corps d'un autre, puis finalement. Bon... Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi qui est arrivé? Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te le dire tout de suite. Tout le monde qui sont ici, vous allez me comprendre tout de suite. Puis c'est pour ça. En fait, j'espère que Poutine devient plus en plus agressif. Parce que je veux une guerre froide ce lien, pour là. Le cinéma. Ouais. Et fait que ça, c'était ça notre point politique de l'épisode 100, ça. Non, mais il y a une corrélation à être faite. Hein. Je m'excuse, là, mais il y a une vraie corrélation à être faite. Anyway, tous les films étaient là pendant la guerre froide des années 80. Tous les films étaient écœurants. Là. À vous, là. C'est ouais. Pas ça ton point. Ligue hein. Majeure. Ligue Majeure. Ligue Majeure 2. Ligue ouais. Majeure. L'enfant sacré du Tibet. Il y en a-tu un le Ligue Majeure de football. Est-ce qu'il y a un Ligue Majeure de football? Oui, c'était un film de... C'est les remplaçants, c'était Keanu Reeves. Ouais, Keanu Reeves. Non, mais t'as eu une autre affaire avant ça aussi. C'était tout croche, le man. C'est pas grave. Caddyshack. T'as eu plein de crises de films. Porky, man. Caddyshack. C'est canadien, en plus, Porky. T'as plein d'affaires, là. On est fiers du cinéma canadien. On s'entend, ben oui, Meatballs, Porky. Sois fier en Chris. Ghoulies 3. Mel Brooks faisait des films. Chienne de vie... Dracula mort est très heureux. Spaceballs. Chienne Robin de vie. Hood, Men in Tights. Hey, Chienne de vie, c'est-tu le film qui a comme une affaire de strap autour de la cheville? Ben oui! C'est parce ça, qu'en hein? réalité, c'est que c'est un milliardaire qui prend une gageure bon, qui dit « Je bête ma compagnie que je suis capable de vivre comme un clodo pendant 24 heures. » C'est quoi le film avec Woody Harrelson où ce qui vend sa femme pour une soirée là, de Demi Moore? Indecent Proposal. Indecent Proposal. C'était Pierce Brosnan. Non, c'était. Non, c'était. Pierce Brosnan. Non. Michael Douglas. Non, c'était pas Michael Douglas. Gear Richard. C'est le gars qui joue dans Sneakers. Sortez donc vos téléphones Too avec Too Many Secrets. Richard. C'est bien plus fun, pas de référence, Guillaume. Non, mais pour vrai, mais tu vois, ça, c'est une affaire où, live là, on a juste plugué un bout d'un film, puis tout le monde pitch des titres. On s'en rappelle de ce cinéma-là. Striptease! C'est deux... Redford. Showgirl! Redford. Un vrai gentleman. Hey, Showgirl, hein? Showgirls, statue ben oui. Exposé. Ouais, ben ça... Hey. Ça, Showgirls, c'est tout un autre J'peux-tu affaire. Peux-tu dire de quoi pour Showgirls? Showgirls, moi, man. Moi, dans mon... Moi, j'ai jamais vu ce film-là, pour de vrai. Là, pour je l'ai vu au cinéma. Moi, mais frère, je m'en calisse. Non, j'ai vu Showgirls au cinéma parce que Jesse de Saved by the Bell était à nu. Ah. Vraiment, c'était ça mon but. Moi, ah, fait que t'allais voir ça au cinéma pour la même raison que j'étais allé voir Le Spécialiste avec Stallone puis Sharon Stone. Pour voir la douche. La douche de Sharon Stone. Il y a des la gars... douche. Mais... J'ai 13 ans, je devrais peut-être pas être ici présentement. Puis... C'était quel film je parlais dans moi? Mission Showgirls. Hey, j'ai jamais vu Showgirls de ma vie, mais quand je travaillais dans les magasins, puis nanana, puis on avait accès des fois à des... Christy de bon deal. Ben, j'ai acheté un coffret collection de Showgirl. Il m'a coûté genre 4$. Là. J'avais le film. Passant, là, Showgirl, c'était avec qui? Je sais, j'ai pas vu. Je manquerais du film. J'ai pas vu. J'ai acheté le coffret, j'ai jeté le film, je pense. Dedans le coffret, il y avait un shooter. Fait que juste ça, en partant, ça valait 4$. T'as un shooter avec comme une fille dessus marquée Showgirl, en tout cas. Un paquet de cartes. Ça, c'était écrit par-dessus mais... From the director of Robocop. Attends. Qu'est-ce qui était hot, c'est que t'avais tout ça, mais t'avais un poster de la je pense que c'est l'actrice principale, j'imagine. En tout cas, elle était là. Mais t'avais, tu sais, comme le jeu, là, Pin the Donkey. Pin the tail on the donkey, là, ouais. Tu pin and cure sur un âne. Ben, c'était la même affaire, sauf que là, la fille était nue, puis fallait que tu y pines deux. C'est des sucettes avec, tu sais, des affaires qui pendent, là. Fait que fallait, t'avais des pasties. Puis là, tu brossais le poster. Ça. Non, tu te mettais un bandeau, fallait que tu colles ça. Je l'ai acheté juste pour ça, j'ai jamais joué avec. Je sais même pas si je l'ai encore. Mais j'aimerais vous rappeler aussi, puis il y a une autre partie du cinéma film dans ces années-là qui m'a vraiment inspiré. En passant, j'ai jamais respecté qu'est-ce qu'elle a fait à Gina Gershon, hein. Personne comprend. Il y a juste qui a vu le film en bas des escaliers pour prendre sa job, man. Il y a juste qui a vu le film, je pense, c'est Rick. Ah, mais ça, c'est une tendance des années 80-90. Ouais. Ça, vous faites ça à coup de combat des genoux du monde qui patine. Tabarnak. On connecte, nous, plutôt, Milter. Tania Harding, puis Nancy. Et en passant, il y a un bon film de ça qui s'en vient aussi. Ah, ça, c'est clair. Vous devez? Ouais, Antoine Tania qui s'en vient. Qui aurait cru que Margaret avec Robbie avec Michael joué? Keaton? C'est Margaret Robbie qui va la jouer. Là, ça, c'est malade. N'importe quoi, man. C'est vraiment hot. Mais il y avait une autre partie aussi. Puis, une des raisons pourquoi j'aime le cinéma des années 80-90, c'est les films cyberpunk, weird, fucked up, genre Barbed Wire, l'affaire avec Ken Reeves et le dauphin. Tank Girl. Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. l'affaire avec Mick Jagger et Emilio Estevez. Mighty Jack, Ducks. Oui. Mighty Ducks, non. Lawnmower Man. Que... Hey, Mighty Ducks. Attends. Mighty Ducks aurait... Il met, en 2017, un avocat qui a un DUI devient un coach de hockey. C'est ça ta pénalité, là. Ah, mais Chris, il a négocié. Ben, c'est ça, pareil, c'est comme, on va coller un alcoolique avec des enfants. C'est ça. Qui va ensuite, qu'est-ce qu'il fait après ça? Il utilise ses skills pour enlever un jeune homme d'une équipe qui est très bon et qui a travaillé très fort avec, pour juste venir avantager son équipe de à cause d'une estime de règle de zonage. T'sais. Hey, c'est de la merde. Mais tu vois, ça, ça, c'est pourquoi que le cinéma des années 80-90 s'en calisse. Oui, mais c'est ça, oui, je respecte ça. Là, ouais. Puis nous autres, on sortait du cinéma, on va dire, OK, c'est correct. C'est ça a du sens. Il y a rien de plus beau que cette période du cinéma, selon moi. J'ai des beaux souvenirs de ça. J'ai des beaux films. Oui, mais Marie Alenel, on se faisait pas offenser. On avait ouais. C'est un très bon point. On avait passé. Tu sais, je suis pas pour faire un gros dérapage parce qu'on en fait pas, puis je me répète. Mais j'entends ça quelque part. Je vois du monde, tu sais, on crise d'identité. Je veux un label. Toutes ces affaires-là. Dans les années 80-90, on venait de passer une crise des années 60-70 où ce que tout le but c'était d'enlever les labels, enlever la coupe de cheveux qui m'identifie, enlève toutes ces astuces cochonneries là qui se passent, puis c'était ça le gros combat. Comme le monde il me parle, hey, quoi tu sens offensé à cause tu vois qu'un homme déguisé en femme, je suis comme bitch man, t'as-tu vu Space Oddity de David Bowie, brother? Ça, là, juste dit déguisé en femme. Mais à un moment donné, on s'est déconnecté, puis des années 80 puis 90, je trouve que c'était le payoff. L'épanouissement de ça. De tout ça. Labyrinthe, man. Puis ouais, labyrinthe. Ça, hey, David Bowie avec le paquet qui prend partout. Puis ce que je trouve plate, c'est le besoin. Il y en a un, mais oui. J'ai joué Dance Magic au bar en passant. Le besoin d'hyper-rationaliser puis d'expliquer les choses aussi. On s'entend, là. Une des plus grandes déceptions dans ma vie, là. Puis je suis pas tout seul, là, mais j'avais-tu besoin de savoir comment ça marche, la crise de force? J'avais-tu besoin de savoir que t'avais un chromosome, quelque chose qui fait que t'es rendu, que tes midi-chloriens peuvent expliquer? Ben, ça on s'en colissait, il y avait la force, puis c'était là. Mais là, maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il a fait comme, hey, t'as peur, là. Il s'appelle George Lucas. C'est pourquoi il a fait ça? Justement, parce que pour répondre aux besoins de ses fans, pour répondre aux besoins du nouveau monde, on va aller chercher du nouveau monde, parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait, hey, t'as peur, là. Le gars qui se promène avec le smuggler dans le vaisseau interspatial, avec le gars qui ressemble à un chien géant, contrôle la force. Il y a de quoi de pas net là-dedans. Là. Moi, ça me parle pas. Faudrait qu'on l'explique. Ils ont commencé à hyper rationaliser les choses. Ils ont commencé à trop expliquer. Donc, t'es en train de dire que la race humaine est devenue ce qu'elle est maintenant en 2017 à cause de Star Wars épisode 1. Ben, je pense qu'on n'a pas eu priorité à la bonne place. Mettons, là, entre savoir qu'est-ce qui cause le cancer puis pourquoi que la force existe dans le film de Star Wars, Donc, la crise existentielle sexuelle. Il y a plus d'un autre bord. Ouais, mais il y en a un, faut que tu travailles pour l'autre, tu l'inventes. Ben, c'est ça. Toutes les affaires de non-genre, binaire, non-identifié, assumé, c'est à cause de Jar Jar Binks. En fait, ton bait marchera aucunement. Je vais pas aller dans ce sens-là, mais. Mais tout ce que je dis, c'est qu'on a une curiosité pas à bonne place parce que, au lieu d'essayer d'aider puis d'approfondir la connaissance d'un bord, on a cherché à tuer le mystère, tuer la magie puis tuer le moment. T'as raison. Puis c'est un peu pour ça que je trouve que le cinéma récent, mis à part les faits vécus ou les histoires dramatiques plausibles tout le kit, y a pas cette magie là, y a pas cette oomph là, y a pas cette. Je vais mettre le cerveau à off, je vais écouter le film, là, je vais avoir du fun. Ben puis, Fast 7, c'est pas ça. Mal ça. Ouais, y en a encore. Y a certains vestiges qui réussissent à survivre, mais malheureusement, je trouve que ça s'est effrité un peu. Puis c'est sûr et certain que je suis ultra biaisé parce que c'est ma nostalgie qui parle, mais pour moi, les années 80-90 étaient les meilleures années du cinéma. That's it. Drop the mic. Yes. Wow. C'était les Citizen Kane des années de film. C'était les Biodome / Pauly Shore Years. Les mangeages d'orteils en commun, man. Exact. Biodome, qu'elles sont en train de hang out chez eux avec leur style de Biodome. Quand ils libèrent le Maï-Maï. Non, mais avant, qu'elles sont en juste chez eux, puis ils se mangent les ongles d'orteils d'un et l'autre. Les corps de pied. Quand hey, t'as même pas name drop Encino Man en plus. J'ai pas besoin de name drop Encino Man. Bill and Ted's Excellent Adventure. Tu sais, dans le temps que Brendan Fraser faisait de l'argent, là. Vas-y, oui, Guillaume. J'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Fuck. Donc, Oh, je vais peut-être en avoir un autre. Je me suis gâté. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au podcast, donc j'ai préparé mes affaires. Même pas vrai, quand c'est tu viens au podcast, t'es prépare pareil. C'est ça, t'es prépare du temps. C'est que, il va y avoir une petite présentation pour ceux qui sont venus, donc ça va être une plus-value. Les autres, ça sera sur vidéo ou quoi. Guillaume va avoir un PowerPoint illustré de 15 slides. J'aurais pu. Le pire, c'est que si on avait un projecteur, je l'aurais fait. Mais, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent en diffusion dans Back to the Future, dans le futur intemporel, audio. En 2018. Je vais avoir un support visuel et le support visuel sera sur le blog du Geek Collectif dans le futur. Oh. Pour agence. Tu sais, un genre de... De Scratch and Sniff, mais le podcast dont vous êtes les héros. Exact. Là. Tu vas te faire de tourner en page? Super. Donc, moi, à l'instar d'André, mon sujet, il touche une période particulière dans l'histoire. Pour le médium en question, ça a été une bonne chose et une mauvaise chose. Alors, comme les pop stars de l'heure, on a une hausse extraordinaire et une chute vertigineuse après. La période concernée a vu un groupe de 6 personnes. Qui en avaient marre de pas pouvoir s'exprimer, de pas pouvoir exprimer leur créativité librement, et qui en avaient marre de leur politique et de leur pratique de leur employeur. Attendez, petite pause photo, oui. Donc, eux, ils ont décidé d'unir leurs forces, puis de faire un gros doigt d'honneur à leur industrie. Même si certaines personnes dans notre histoire... Regarde ton père, là, il est hot. Pense que je parle de... pense que je parle de certains podcasts américains, la Kind of Funny ou Giant Bomb, il n'y en est pas question, je ne parle pas d'eux autres. C'est pas la bonne période. Dans mon cas, je fais référence à un certain Jim, un Todd, Marc, Eric, Rob et encore un autre Jim. Certains plus futés vont savoir de quoi il est question. Ma déclaration d'amour que je fais ce soir représente une période dans les années 90, c'est-à-dire la période des bandes dessinées, les comic books à l'américaine. Moi, je suis né en 1980, donc j'ai aujourd'hui maintenant 37 ans. Les années 90, ça a été pour moi, pour ceux qui connaissent pas encore la biologie humaine, l'apparition des hormones. Tu sais, ma voix a changé, les poils sont apparus, donc j'ai commencé mon adolescence. Qui dit adolescence, dit découverte et prise de conscience. C'est un genre de « you become self-conscious ». C'est à ce moment-là que tu décides de sortir un peu de l'influence de tes parents, d'essayer de ne pas faire ce que tes parents te disent de faire. Puis tu sais, si tes parents votent libéral, tu décides de voter PQ, mais tu peux pas voter. T'as juste comme une idée que tu vas vouloir voter PQ dans un jour. C'est ça qu'il fallait faire, moi j'ai. Et tu commences à faire des expériences qui vont façonner ce que tu deviens dans le futur. Donc, en tant que jeune adolescent facilement impressionnable, j'étais un peu un candidat idéal pour me faire tomber sous le charme des bandes dessinées. Alors, on se remet dans l'ambiance des années 90. C'était quoi les comic books des années 90? Ben, je vais faire une petite présentation rapidement. C'était pas la mort de tous les personnages ever des années 90? Entre autres. Donc, là, c'était les Giant Man la Pits, première genre présentation, de Captain c'est America. En passant la première BD que je me suis acheté à trois coins de rue d'ici, Fur Million Comics, au coin de Laurentides et Boulevard-Sainte-Rose, à côté du Valentine. C'était... Attends, ça existe plus? Ben non. Ça fait longtemps. Donc... Oui. Les années 90, c'était quoi? C'était des héros avec des suits qui ont plus de poches que la bat-ceinture à Batman. C'était des gros muscles avec des gros fusils. Le chest à Captain America. Des super-héros qui avaient des griffes puis des pouvoirs puis qui avaient des habits à la David Bowie. On continue ici avec les super-héros pouch, les gros fusils, des équipes, des super-équipes. Du gros Rob Liefeld. Exactement, du gros Rob Liefeld. Quelqu'un est en train de dick-swing sa collection, hein? Des équipes, des super équipes, tu sais, on avait les X-Men, les Fantastic Four, il y avait deux, non, c'est pas assez, il en fallait encore plus, c'est que là, on avait les Cyber Force, les Youngblood, les Wildcats, ça continuait de même, mais surtout, des gros seins. Oh, oh, oh. Les ben, femmes... Gender Dean! Gros seins, ben ouais, c'est même pas habillé. Dans les années 90, dans les comic books, on n'était plus dans le 36-24-36, on était dans le 72-22-22, ça n'a juste pas d'allure, c'est des dimensions que même Barbie était gênée d'avoir. Comme dirait si bien Elvis Graton, les années 90, c'était Think Big, c'était. C'était vraiment l'équivalent de ça. Mais c'était pas juste de ça. J'aurais l'air de quoi aujourd'hui si je m'étais laissé influencer que par ça. Ben, j'aurais l'air d'un gros macho un peu timbré, sans respect pour la gente féminine, un genre de Donald Trump. C'était ma plug politique. Fait que Trump, il lisait des comics des années... Trump collectionnait Vampirella? Peut-être. Dieu seul le sait, peut-être qu'il compensait, on sait pas. Mais c'est quoi qu'il y avait surtout dans les années 90 qui aurait pu m'allumer, moi, en tant que jeune adolescent... Outre Vampirella, ben c'était les covers. Il y avait des covers toutes noires, des covers toutes rouges, des covers toutes blancs. Ah, oh, je m'en souviens. Oui, il y avait pas un Spider-Man noir. Non, c'est le noir de bibliothèque des années 90. Ou sinon, des covers métallisés, un vert, un jaune. Ah là, je dis comme toi, il est juste en train de big swing. Ouais, c'est le big swing. En passant, le Venom, j'aime. On enregistre le projet Noël, j'ai pas pris ces couleurs-là pour rien. Hein? Politique, Noël. Oh! Plaisir, je me suis lâché là. On avait Noël. Des covers holographiques. Ça, je l'ai, il y en a quatre. Il y en a, ouais, j'ai quatre. Les quatre, ouais. Moi aussi. Inquiète pas. On avait aussi les covers chromium, c'est-à-dire que ça, ça fait comme du wouhou, c'est comme plein de couleurs, puis ça flash métallique, tu mets ça dans le micro-ondes, puis ça l'explose. Mais ensuite, t'avais. Pas game. Les covers, tout en or. Tout en silver. Tout en bronze. Ah, puis. Des tout en rouge encore, mais eux, ils flashent dans la lumière. Rouge, bronze. Fait que là, moi, j'ai été vendu, conquis. J'étais comme, wow, blash, black, flashy thing. Wouhou, je capotais mes raids. J'étais fait, fini. J'en suis encore victime. Demandez à mes amis quand je vais au Comic-Con avec eux. C'est un peu maladif, j'ai ma liste. Puis, je vais au Comic-Hunter sur Papineau. Puis, Marc, il sait très bien, je m'envoie directement dans la boîte des special covers. C'est comme... un genre d'espèce de traumatisme, tu sais, comme ça revient, c'est récurrent. Il y en a que c'est Final Fantasy. Ouais, mais ils ont appelé cette boîte-là la boîte Guillaume Mamel aussi. Ben, c'est la boîte Special Covers. C'est ça. Mais j'étais conquis, j'étais en amour. C'était les belles années. En passant, ceux qui suivent un peu l'industrie, ils appelaient ça les années noires, les Dark Years du comic book, parce qu'il y avait plusieurs... De la marde. Oui, il y avait plusieurs mardes, il y avait plusieurs pratiques commerciales qui étaient un peu particulières, et c'était dans les années où ils printaient des millions d'exemplaires des BD, parce que tout le monde pensait qu'en achetant une BD, ils allaient payer l'université de leurs enfants, alors que c'était un peu n'importe quoi. À la même, on peut passer aux cartes d'hockey dans les années 80 aussi, début 90. Ou les jeux vidéo rétro dans les années 2017. Donc, mais maintenant, tu sais, 20 ans plus tard, j'accuse de mon âge, tu l'as déjà dit, ton âge. Oui, je l'assume, mais je l'assume aussi. Je l'accuse et je l'assume. On peut quand même dire que malgré toute la mauvaise presse que les années 90 a eu, il y a quand même eu des bonnes choses. Pourquoi? Mais tu sais, les années 90, quand on y pense, c'est pas juste des bandes dessinées avec des histoires douteuses. Un gars qui passe à côté de mon micro. T'es pas obligé d'arrêter à toi. Non, c'est juste t'accroches le micro ça fait un... il y a eu des belles choses. Montage. Il y a eu des belles choses quand même. Qui sera pas faite. Il y a eu des très très belles choses. Tu sais, qui c'est qu'il y a eu dans les années 90? On a vu l'apparition de Cable, Deadpool, Gambit, Tim Drake. Tim Drake, c'est le troisième Robin. Il n'y a pas eu le fils de Cyclops aussi? Non, le fils de Professor X. Ben en fait, oui, mais il y a aussi le X-Men. Fils qui est un clone de Cyclops. Oui, entre autres. Aussi. Il y a eu Carnage. On parle de storyline, parce que souvent, c'est les gros événements, mais on a eu le clone saga de Spider-Man avec Ben Reilly. On a eu la... Hey, il m'en restait. En le plus. Scarlet Spider, c'est vrai. Le Death and Return of Superman. Le Return blanc, Death noir. Super perspicace. Il y a eu le film Steel avec Shaq. Ouais, exact. On a eu Nightfall, qui était en fait la mort de Batman, où Batman se fait briser le dos par Bane, qu'on a vu tout récemment dans les films de Batman. Il y a Age of Apocalypse, qui est l'histoire dont on parlait avec les clones. Exactement. On a eu la trilogie Infinity. Donc Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade. Tu penses qu'ils vont faire de quoi de big avec Infinity Gauntlet, tu penses, un jour? Ben, c'est justement ce que je m'en allais avec comme point. C'est que The Death and Return of Superman, ça vous rappelle certains films qui sont sortis dans les dernières années. On parle de Nightfall, Bane vs. Batman, ça nous rappelle certains films. Ou Marion Cotillard crevait exact. De façon tellement élégante. Age of Apocalypse, ça vous rappelle un certain film qui est sorti aussi récemment. Et la trilogie Infinity War, ben, ça va vous rappeler dans le futur un film qui va sortir dans le futur. Donc, ce que je dis, c'est que les années 90, malgré tous leurs défauts, malgré tous leurs mauvaises presse, ben, influencent en ce moment l'industrie du cinéma, engrange des milliards de dollars. Et c'est pour ça que je suis en amour. Fait que tu penses qu'il va y avoir un film sur Scarlet Spider bientôt? Moi, je pense que Guillaume mérite une main d'applaudissement. Oui, main d'applaudissement pour Guillaume. Yes. Guillaume, j'aimerais te remercier pour tes choses. J'ai fait une publication sur Capsule Bière. Et j'ai publié toutes tes photos de choses, puis j'ai dit un genre de différent D'X-Wing. Moi, Guillaume, j'aimerais te féliciter et te remercier pour autre chose. En tant qu'animateur qui tente désespérément de faire naviguer le navire vers un épisode concis, merci pour ta préparation. À chaque fois que tu sors dans le podcast, t'es prête, t'es concis. T'as fait tes recherches. Des fois, je dérape. Swing tes comics like there's no tomorrow. Ben, les feuilles, ouais, les feuilles. C'est comme un meetspin.com de comics. C'est ça. Check c'est comme du speed dating de comics historiques. Ouais. Mais c'était ça. C'est que, tu vois, pour une fois, j'ai gardé mes temps et je n'ai pas dépassé. C'est incroyable. Félicitations. Mec. On a du temps. Mais je voulais que je la laisser. Je voulais laisser. Milter me regarde dire on a du temps. Mon objectif était de laisser le spotlight à Milter. Il laissait la chance de s'exprimer comme on y en laisse pas souvent le temps. Moi, je regarde Rick Sherry des gifs de Elmo. Ouais, ben, les Elmo Shrug était cœur. Hein? Ouais, il share des Elmo gifs comme. Je l'ai fait tout le temps, moi. S'il n'y a pas de lendemain. Moi, j'ai hâte, puis je tiens à dire que Milter, en 100 épisodes, là. Mais en fait, pas mal tout le monde. La première fois, je pense en dernier. Ouais, pour une seconde, je pensais que t'as pourtant choisi un préféré. Là, ben, non, mais c'est pas mon préféré, mais Milter, en quelque sorte, puis t'es pas mal le visage du collectif. C'est moi qui l'ai sorti. C'est lui qui l'a sorti. Il te comprend très bien. Mais Milter, t'as su être un ambassadeur du collectif, parfois en bien qu'en mal, okay. Mais... là, je me reconnais. Toujours drôle, toujours le fun. J'avais hâte d'entendre tes déclarations ce soir. Ben moi, premièrement, je suis tout fucké parce que je suis le dernier. Tu sais, d'habitude, je suis le premier, puis après, c'est comme je dis mes affaires, les j'écoute plus. Les premiers sont les puis ça reste là, tu sais, mais là, j'ai comme été obligé de suivre, c'est lourd. C'est quelque chose. En tout cas... On part! Ouais, un peu comme André... je suis un passionné de vieux films, mais un en particulier qui me touche, genre vraiment solide. Puis le monde, ils savent que c'est comme Milter, il capote ses films de zombies, les films de super-héros, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais j'aime aussi un autre type de film, peut-être moins, comment dire ça, moins stylisé. Mais c'est les films... anti-establishment. Je sais pas si vous catchez ce que je veux dire. Independence Day? Non, vraiment pas. Vraiment pas, mais tu sais, des films qui passent un message, des fois c'est des films d'époque, des fois c'est... Tu sais, il y a vraiment un message profond sur la société. Ah, they live. Sur... They live. Ben, un exemple. Les trois mousquetaires, ça n'est un. They live, ça n'est un. American History X, ça serait un exemple. Oui, ça pourrait rentrer là-dedans. The Warriors, c'est quelque chose. C'est quoi l'autre film que j'avais aussi? Harold and Kumar Go to White Castle? Non, mais le film de Noël d'Harold and Kumar, oui. Oui, c'est bon, le film de Noël. Est-ce que tu voulais nous 3D parler de peut-être Natural Born Killers? Non, mais ça aussi, c'est un excellent film. Dans ce style-là, tu sais, quand je dis anti-establishment, là, je vais vous laisser, gars, vous essayez trop de deviner, je vais juste en parler. C'est vous essayez... le du documentaire sur la vie de Bob Ross. Vous essayez, I wish. Bob Ross était très anti-establishment en passant. C'était un gars dans l'armée, qu'après, il est devenu un artiste, puis les artistes, puis l'armée. Hein? Non? Robert? C'est ça. We're gonna add a little cloud. Peut-être, je me souviens plus. Mais, sûrement. Fait que, je peux-tu continuer, André? Ben moi, j'attends juste... Ok. Fait que, en tout cas, tout ça pour... J'aime les films qui sont counterculture, anti-establishment, anti-pouvoir établi. Puis... Tron. Le film, que, ça n'est un qui pourrait rentrer là-dedans, c'est vrai. Matrice. Ouais... Ouais. Excuse, Cloud Rick. Atlas. Ok, là tu parles. Mais non, moi, c'est un film qui se passe en 1963. Oh. Citizen Kane. On s'entend que. Taxi Driver Afternoon. Ça se passe en 1963. Ça n'a pas été fait en 1963. Serpico. Puis, en tout cas, c'est un film que. C'est carrément un film qui établit un class war entre les pauvres et les riches, naturellement. Les pauvres étant la classe, dans le temps, c'était la classe éduquée, la classe, les médecins, les économistes. Comme whatever. À l'école de ski, finalement. Un peu, oui, un peu. The Outsiders. Avant. Tu devineras tantôt, Rick. c'est un film que tu vois ces combats-là. En gros, c'est l'histoire, regarde, je lis ici dans mes notes. C'est Frances Haussmann. Je sais pas si ça Frances vous dit. Frances France. C'est France. Le titre du film. Elle s'appelle France, c'est la fille. C'est le titre du non, film. Non, c'est le nom de la fille. T'es dormi, puis j'ai un sujet compliqué. Je te parle de ma passion, Rick. L'impératrice Sissi. Okay. Tu vas le savoir tantôt. C'est le film anti-establishment dont je parle avec Francis Houseman comme personnage principal. Je suis sûr que tu l'as vu en plus. Tu vas catcher. Écoute, puis tu on dirait vas catcher. Pas filmé dans le Mile End, sti. Non, pour de vrai, ça a été filmé au Mont Holyoke. Seven Samurai. Non. The Sound of Silence. Non, non, Tom Cruise joue pas là-dedans, Rick. Fait que... Seven Samurai. OK, gars. En gros, la fille, Frances, France, pour les francophones, elle s'en va... Mais là, qu'est-ce que vous me coupez, sti? Elle s'en va avec sa famille dans un genre de camp de villégiature, je fais de la misère à dire ce mot-là, de monde très, très, très, mais très riche. Puis elle, au début, oh, elle arrive là, okay. Puis elle est comme dans la gang de riches, tu sais. Puis... J'ai aucune idée, mais elle a l'excitation d'André me fait peur. Mais peux-tu me permettre une dernière? Non. Oh, y'a-tu quelqu'un qui danse dans un entrepôt, maintenant? Là, oh, c'est Dirty Dancing! Oui! C'est le film le plus anti-establishment. Tu penses à Fight Club, là? Ah, tu dis anticapitaliste. Ah, oh, je donne un câlin à Milton en ce moment. Parce que c'est. Man, c'est un de mes films. Footloose avec Randy oui, dedans. Mais oui, Dirty Footloose Dancing est beaucoup plus class war. Parce que les pauvres artistes qui travaillent corps et âme pour satisfaire les besoins des riches. Ça, c'est non, non, mais Chris, vous riez, mais non, tabarnak, mais non, moi, vous voyez pas la métaphore, man, que là-dedans, tu sais, genre, elle va chercher, elle demande à son père un financement pour un acte illégal, dans le temps, qui était un avortement, par un crasseur de ruelle, là. Le gars, il a peut-être fait ça avec une affaire, là, pour mettre du linge, là. Un cinq. On le sait, le film, on le sait. C'est Dirty Dancing, Marie. Puis, mais, tu sais, t'as du combat physique là-dedans. T'as la métaphore. Il y a tellement de métaphores que le monde voit pas. Comme Baby, là. France. Le monde ne le savent pas. Ils catchent pas ça, mais c'est une nobody au début. Elle a aucun esti de talent. Elle a rien, elle a juste un rêve d'aider le monde. De se faire avorter? Puis, non, c'est pas elle qui se fait avorter, c'est la fille qui a couché avec la chum à sa sœur. Come on, André, estime. Elle a dit Rick. Mais, elle apprend rien, puis gars, dans cette époque-là, là, elle s'appelle Baby. Baby, bébé, baby boomers. Il y a une métaphore, c'est l'époque de nos parents, les baby boomers, qui combattaient le système patriarcal établi avant par les riches docteurs qui allaient dans des camps de villégiature. Puis, non, mais... Chris, je suis tout seul qui a regardé Dirty Dancing, vous me regardez comme dans si... Dans ce que Milton veut nous dire, c'est qu'on droit, on doit l'avenue de Québec solidaire... C'est quasiment ça, à Dirty Dancing. Mais, Chris, gars, le gars finance une activité illégale sans savoir c'est quoi parce que c'est sa fille. Il fait confiance. Eux autres, ils tiennent des meetings, genre, underground, after hours. La seule façon de rentrer dans ces meetings-là, c'est d'amener un melon d'eau. Faut que tu traînes un melon d'eau avec toi, puis là, tu peux rentrer. Parce que si t'as pas le fucking melon d'eau, ils veulent pas que tu rentres dans ces meetings-là de... C'est comme les Antifa, puis leurs meetings secrets, genre... Ça représente-tu quelque chose, le melon d'eau? Est-ce que ça représente la maternité, genre, mettre bas? Non, ça représente la pauvreté, mais... Regarde, C'est raciste, first, c'est de l'oppression. C'est tout. Non, mais c'est vrai, le melon d'eau représente l'oppression. Tu rentres avec un melon d'eau dans la salle d'opprimé, puis là, ils t'apprennent les skills pour qui est la danse, le dirty dancing, pour combattre la société patriarcale, économiste de droite, des médecins. André, il rit, puis... Mais c'est... Attends un peu, je ris... Calice! Ça fait tellement de sens! Ben c'est ça! Moi, plus que. Après, c'est. Le monde rit, mais je regarde si ça fait au moins une fois par semaine. puis je niaise même pas, depuis plusieurs années, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Tu vois les riches qui maltraitent les pauvres. Un moment donné, le riche exploite l'autre, puis il couche avec, elle tombe enceinte. Elle peut plus danser parce qu'elle est enceinte pis ça va paraître, man. Il a enlevé la seule chose qu'elle avait. La seule chose qu'elle avait, il a enlevé pis il contrôle ça. Pis t'as le docteur à la fin qui, tu vois, il change le spirit pis il se rend compte que Christ est un astitial qui a abusé. Fait que je te retire ton financement, tes subventions d'argent que je donnais parce que j'ai su que c'était toi. Pis qu'est-ce qui est fou, c'est les métaphores là-dedans. Quand, non, mais, tu sais, il y a une ligne. Puis tantôt, j'ai failli spoiler mon film. André, il a dit ça à sa blonde. Elle était assise tout seul là, puis il a dit, « Bébé, qu'est-ce que tu fais dans un coin? » Puis j'ai failli dire, « Personne ne place bébé dans un coin. » Puis j'ai dit, « Si je dis ça drette là, ça fuck tout, genre. Ça va spoiler mon affaire. » Puis quand on repense à l'affaire bébé, qui est la métaphore de la génération des baby boomers, mais personne la met dans un coin. Puis, à ce moment-là du film, elle était littéralement dans un coin. Tu checkeras là, la table où ce qu'elle est assise, elle est pognée dans le coin. Faut que son père se lève là, pour qu'elle sorte. Fait qu'elle était vraiment pognée dans le coin. Puis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fait que là, Johnny, que j'ai à peine parlé de lui de tout le long, puis c'est comme le gars principal là, qui prend toute la blonde. C'est un gars qui a un grand cœur parce que un moment donné, même, il prend le blonde de son ami qui est tombé enceinte par le frère de l'autre, puis il dit c'est moi qui est responsable d'elle. Mais c'est pas lui du tout. Il prend le blonde pour protéger son ami. C'est un homme au grand cœur. Puis, en passant à Johnny Castle, je pense qu'il y a un lien, je pense que c'est le frère ou le cousin éloigné de Punisher, là, Frank Castle, parce que il a le même look, genre, là, tu sais, il se tient pareil un peu, il a juste pas le gun, pis tout, mais il s'en va, puis à la fin, c'est comme le moment, il s'en va ramasser bébé, il regarde le père de l'autre génération, puis il dit, la ligne, personne ne met bébé dans un coin, il la prend par la main, il la sort de là. Pis c'est comme dire, on sort les baby boomers des astis de décisions de marde qui ont été prises avant par la société patriarcale de nos parents. Puis on fait ce qu'on veut. Puis c'est niaiseux à dire, mais depuis ce temps-là, l'art est beaucoup plus respecté en général dans la vie de tous les jours. Et être un artiste, c'est pas nécessairement être une marde divertissante pour l'élite riche. Je pense que j'ai vu Max prendre sa plus grosse gorgée depuis un bout. Là, on dit qu'il a besoin. Il faut qu'il comprenne. Fait, en gros, c'est ça. Puis il y a tout un soundtrack qui accompagne ce film-là, aussi révolutionnaire que le film, comme des tunes comme Hungry Eyes, qui démontre la rage dans les yeux, la faim que cette personne a pour amener sa génération ailleurs. Pis pour être pogné dans le patriarcat, puis des tunes comme The Time of My Life, qui même aujourd'hui, des grands artistes comme Black Eyed Peas, sample pour faire des hits incroyables. C'est, fait que c'est un film, en passant, c'est un film qui a coûté 6 millions à faire, puis qui a rapporté au-dessus de 220 millions. Fait que le côté anti-establishment est peut-être un petit peu négligé du côté capitaliste qui est rentré, mais ils ont pas fait exprès. Tu sais, c'était pas voulu, ils savaient pas que ça allait pogner, là, pis tout. Mais, c'est ça. C'est ma passion, j'adore ce film-là. Pis c'est même pas des jokes à quel point que j'adore ce film-là. Je dois dire quelque chose, là. Milter, qui reste sur contact a été l'an dernier. Pourquoi? Ouais, c'était parfait. C'est la crise du sommet, mon ami. C'était parfait, ça. On close ça avec the Time of Your Life. Et hey, puis en passant aussi, à la fin, quand tu checks ce film-là, c'est comme le cadeau qu'il arrête pas de donner. Ouais, non, c'est comme le bout après les credits dans un film de Marvel. Mais tu sais, quand ils dansent tout, là, tout le monde a vu le film, là, on le sait le bout, là, à la fin, là, puis juste avant que Johnny pogne bébé puis qu'il monte sa scène pour faire la toune, ben ils sont en train de faire un genre de show de marde, là, tu sais, que vraiment, tu fais comme, voyons donc, même en 1963, c'était quétaine. Puis la sœur de l'autre, elle chante ça avec un bikini de la jungle, là, ou je sais pas quoi. Mais si tu checkes, à partir du centre, la sœur bébé, deuxième personne à droite, c'est Wayne Knight. Puis Wayne Knight, ben, c'est le cousin de Bruce. Il est tout, non, c'est pas le cousin à Bruce parce que c'est le fun nom de famille. OK. Mais White Knight, c'est qui? C'est Newman dans Seinfeld, a.k.a. le gros dude dans Jurassic Park 1. Dennis Nedry. Dennis Nedry. Hey! Il meurt pas. Non. Tu le vois pas mourir. Tu le vois pas. Peut-être qu'il va revenir. Mais c'est White à Knight. Suivre. Puis, long live Dennis Nedry. Il est comme deuxième personne à droite. Il fait rien partout dans le film, à part être à cette scène-là. Mais il est la huitième personne dans les credits officiels du film parce qu'à Star, il est connu. Puis ils ont changé l'ordre. Fait que c'était cœur, hein? Non, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux de plus de ce film-là? Il y a de la violence, du débat politique. J'ai une question. Le 2 touche le même sujet, non? Non. Parce que le 2, c'est au Cuba. Le 2 parle de l'immigration illégale. Il parle des couples mixtes. C'est totalement à part. Il n'y a rien d'anti-establishment là-dedans. Le 2 a aucun rapport, le 2. On n'en parle même pas. Les vrais fans veulent l'oublier, ça. Puis, non, mais c'est vrai, il y a des très mauvaises critiques, puis pas juste de moi, là. C'est pas bon, là. Pas juste de toi. Non, check. Tu connais-tu ça, Internet, Rick? Check là-dessus. Je connais ça très bien. Tu vas voir. Fait que le monde qui aime Dirty Dancing 2, ils ont une photo de profil de char. Je veux même pas savoir que... C'était mon là existe même pas pour moi. Yeah. C'est le 1, ça finit là. Ah, puis quelque chose d'exceptionnellement cool. Hey, t'as pas dit Patrick Swayze une fois non. En passant. Qui? Ce film-là se passe en 1963, mais il y a énormément beaucoup de chansons qui ont été écrites en 1985, qui jouent dans le film. Puis, genre, il joue pas comme un surplus, background. Il joue, puis tout le monde sont conscients qu'il joue dans le film, là. Tu sais, elle joue dans la scène du film. Mais la toune n'existait pas à cette époque-là. Fait que c'est comme fucké, mais en même temps, c'est ça qu'il rajoute. C'est quoi le film avec Heath Ledger où est-ce qu'il était un knight? Knight. C'était-tu juste Night? Night. Night Tale, oui. Nice try, Marie. C'est le film c'est qui a du Queen tout le long. Oui, mais... oui. Ouais, c'était pas... Gary... Non, mais c'était Williams. Pas... Oui, Robbie Williams. Ouais, c'est... Guy Ritchie, ou je sais pas qui avait réalisé ce film-là. C'était... Non, c'est pas Guy Ritchie, mais... C'était pas bon. On va se non, dire. Non, mais la musique, c'est parce que c'était... C'est parce que c'est quand... Tu sais, en 63, tu peux t'en sauver avec du « I've had the time of my life ». Mais je pense que quand tu vas à 1430, Queen, ça fit moins. Mais moi, j'avais aimé ça. Bon, mes aveux, j'ai aimé Night Tales. Bon, André! Tabarnak! Fait que viva la révolution! Je vais faire de quoi, ça fait longtemps que je vais faire au podcast, mais... Oh! Oh yeah! Milton, c'est un fan de... En passant, je veux juste te c'est dire... C'est bon pour vrai, man. Tu l'écouteras. On va se dire les vraies affaires. Par contre, c'est pas le meilleur de Patrick Swayze. Quoi? Tu vas dire Roadhouse? Oui. Non? Ben oui. Roadhouse, il n'y a Point pas de break. Message. Point c'est break. Juste du pétage Point de gueule et des tannons. Point Break, c'est pas anti-établissement? Bon, fantôme d'amour. Qu'est-ce qu'il y a dans le taille establishment? C'est une police qui décide de... Ben là, de... Point Break, c'est all about anti-établissement. Non, c'est about fight surf. Puis oh. Pogner la plus grosse vague. Hey man, comment je peux... Wow. Tu payes sur stop, ça finit là. Non. Mais non, mais... Comment je peux... Fait qu'avant qu'André... Pendant qu'André pense à ses mots, il y a du monde ici. Hey Patrice, t'as-tu des Funko Pop de Patrick Swayze? Non. Non, mais viens en commandant le tabarnak, par exemple. Non, mais t'as pas un bon point, Rick. Je te laisse y aller. Puis non, mais je m'en allais juste dire, je voulais juste remercier tout le monde. Puis avant, pendant que tu figures tes mots, de la part de l'équipe, André, merci. On est rendu à 100. Puis grâce à toi, beaucoup de nos choses... Techniquement, 106, parce qu'on a scrappé 6. Ah, moi, je te dirais peut-être même 114. <C'est ça. rire> Mettons que j'ai compté. Mais beaucoup... Beaucoup de choses sont passées à cause du Geek Collectif pour du monde qui sont ici. Puis j'aimerais te remercier du fond de mon cœur pour ça. Une de mes plus grosses aveux, c'est mon amour pour toi. Puis pour ta gentillesse. d'avoir parti ce projet-là. En passant, j'ai partagé le live de notre show sur le groupe Le Geek Collectif, qui est rendu à plus que 1000. Je pensais d'aller dire gamer, gamers. Puis j'ai dû spécifier dans le groupe, by the way, ce podcast-là existe à cause du groupe. Puis on est rendu à 5 ans et plus, puis je veux juste te remercier pour ton coup de tête puis nos conversations weird qu'on a eues dans un micro-play sur Mont-Royal à écouter Jeff Gershman, puis on se disant « Ouais, ça peut peut-être... » On pourrait faire ça, nous aussi. Ouais. Puis je vais toujours me rappeler du jour où c'était « Je m'en vais dans le sud, Eric. » Un message Facebook, « Je m'en vais dans le sud, Eric, mais quand je reviens, on parle podcast. » Comme « OK. » Puis t'avais monté cette affaire-là, puis merci, man. Merci pour ça, sincèrement, du fond de mon cœur. Beaucoup de choses dans ma vie ont changé pour le mieux à cause de toi. Puis Milter, ça va de pire en pire. Pas de ma faute. J'essaie de m'en sortir. Mais j'ai juste te dire ça, c'est vraiment important que tu le saches. Puis c'est ça. Merci pour ça. Puis c'est une plus grosse aveu. Hey, un gros cheers. André, il a des larmes aux yeux en passant. André, il pleure. Non. Moi, j'ai aussi un petit quelque chose que j'avais pris en note que je trouvais. J'ai deux citations, je trouve. Calice, à part de Calice. Non, mais c'est deux citations qui viennent du poète juif canadien Aubrey Graham. Puis je trouve... Je suis le seul qui a une culture canadienne, ça. Et... oui, OK. Attends, Eric en a une, mais c'est ce que... Il l'a oublié. Je connais Kim Mitchell. Là. Tu connais-tu Aubrey Graham? Je connais Kim Mitchell. C'est un juif. C'est un juif de Toronto. Est-ce qu'il danse? Des fois, ouais. OK, ouais, je pense que ça s'en va. Et oui, j'ai deux quotes qui représentent bien le podcast pour moi puis ce que ça m'a apporté dans la vie. Puis je vais les dire en anglais, puis je vais les traduire après, parce que lui, il les a dit en anglais, parce qu'il vient de Toronto, tu sais, il n'a pas besoin de se faire chier avec ça. C'est « I live for the nights that I can't remember with the people I won't forget ». Fait que c'est « Je vis pour les nuits que je vais oublier avec des amis que j'oublierai jamais ». J'en ai eu une coupe, des Comic-Con. D'habitude, tu te souviens de Comic-Con, mais pas moi. Puis, en passant, on s'en fait un autre. On se claque un autre. Les suites, des Comic-Con d'Ottawa, des affaires de même. j'ai eu tellement de fun avec du monde que je connaissais même pas. Tu connaissais à peine là, pour le premier des suites. Moi, vous autres. André, vous je autres, connaissais pas. Moi, je ne le connaissais pas. André, je le connaissais pas. Dans le fond, je connaissais pas personne. Moi, André, la seule raison qu'il m'a parlé, c'est qu'il a dit « Asti qui crisse la marde sur Facebook, ce gars-là. » Il me l'a dit, là, c'était quelque chose imagine de même. Imagine si je donne un micro. C'est ça. il m'a carrément dit ça, puis depuis ce temps-là, je le connais. Puis l'autre citation fit un peu, mais à part que lui, c'était en un an quand il a dit ça, moi, c'est en 5 ans, puis ça fit avec le monde un peu qui sont tous devant moi présentement, je pense, à cause du podcast, puis c'est... I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? Puis, la plupart du monde ici, je les connaissais pas. Puis, je vous dirais que c'est probablement le meilleur monde que j'ai dans ma vie présentement. Puis, à part Marie-Hélène. c'est ça. Sinon, tout le monde, le reste, c'est tout du monde. Même Patrice que je viens de rencontrer, il trouve super le fun. C'est un podcast, hein? Je viens juste, okay, là, il y a 2 heures, là, quand je suis rentré dans son magasin. Puis, c'est le fait que j'ai juste du positif à amener avec ça. J'ai juste eu pas mal juste du positif. Il y a une couple de personnes qui n'ont pas aimé certains de mes propos, mais la routine, c'est ça. Ça aurait été pareil. J'ai rencontré tellement de monde, ça m'a ouvert des portes. Fait que je te remercie, André, d'avoir pris cette initiative-là et d'avoir pris une chance en m'invitant. En passant à Aubrey Graham, c'est Drake. Pour ceux qui se le demandent, là. J'ai comme un top 20 de quotes que j'ai malheureusement laissé chez nous sur une feuille. Ma femme va être comme, qu'est-ce que c'est ça, c'est crise de phrase-là en anglais. Mais j'ai comme 20, genre, que j'ai écrit qui je trouve qui représentent bien le podcast. Fait que une chance, j'ai oublié parce qu'on avait une vingtaine de minutes de plus. Mais pour de vrai, écoute du Drake, là, pense au podcast, tu vas être tabarnak. Il parle de nous autres, tu sais, Stardom from the bottom, now we're here. Je regrette de m'avoir vu la t-shirt de Donkey Kong. C'est carrément ça, là. Fait que, merci Drake. Scalise, meublez le temps, donnez-moi une couple de minutes, là, ça spin, là, faut... Guy est perturbé. C'est juste, plus de film, c'est comme... Moi, j'aimerais mettre sur le record que j'ai officiellement 4 et demi Dieu du ciel, moralité de fini. Je suis très content que Julie, mon amour, est là pour conduire ce soir. J'aurais pas conduit anyways parce que je conduis pas. T'as pas de permis. C'est ça. Mais... T'essaieras un moment donné, voir si ça marche pareil. C'est que pour ceux qui nous suivent sur Facebook... Le pire, c'est que je suis le plus gros joueur. Je vais aller jouer à Forza. Mais pour ceux qui nous suivent sur Facebook avec nos projets collatéraux, d'ici... C'est fort probable. D'ici 3 à 5 jours, allez voir la page Chouchou Faction Review. Il va sortir un autre épisode qui va apparaître, là. Et on va voir, ouais, ça risque... ouais, je vais en faire un Binary Domain bientôt. Ah boy. Bon, André, t'es-tu recomposé, ouais, là? Ouais, j'en ai closé souvent, 100 fois, en fait, mais en fait 114, mais... à votre connaissance, 97 à ce jour. merci, guys, parce qu'honnêtement, ça a été une Christie d'aventure. Ça a commencé avec « Pourquoi je fais ça? » Puis ça continue avec « Pourquoi je fais ça? » on s'est rencontrés. On a eu des moments de pourquoi qu'on fait ça. Ah, on s'est demandé à Chris. Puis honnêtement, tu sais, vouloir faire des blogs, vouloir partager avec le monde, ça a toujours été le fondement du collectif. Puis il y a eu le groupe, commencer à jaser toute la gang. Mais tabarnak. Fait que 100 épisodes plus tard, on est encore là. Puis ce matin, ma blonde est arrivée à la maison. Puis elle me dit qu'est-ce que tu fais? Puis là, je dans le sol, puis je disais, hey, je suis en train de regarder les vieilles photos du collectif. Puis, on va closer le live tantôt avec un petit vidéo de même qui va illustrer un peu le parcours de qu'est-ce qu'on a fait. Puis c'est random, là, c'est tout mélangé. Là, mais... Anyway, c'est pas grave, tout mélangé aujourd'hui. Là. Mais, c'est pour des moments comme aujourd'hui qu'on fait ce show-là. Des fois, c'est décousu. Des fois, c'est des décousu. Tu voulais dire, des fois, c'est pas décousu. Des fois. On a déjà eu plus de rigueur. On a perdu décousu un peu, égale honnête, moi, je trouve. Ouais, mais c'est une émission sans aucune prétention. Vraiment, vraiment, vraiment pas de prétention. on a eu la chance d'avoir un accueil de Pat et Geek Stuff à soir vraiment remarquable. On a du monde qui sont proches de nous autres, qui sont chers à nous autres, qui sont avec nous ce soir et qui partagent ce moment-là avec nous autres. Même si c'est pas grand-chose, on est là. Johnny Gretis, on est terminé à slot. Je t'appellerai toujours ça. Désolé. Chuck. Chuck les Power Chasers avec Marie. Chuck. Chuck a célébré son 100e avant nous autres. J'ai jamais son compris. 500e. Son 500e avant nous autres. Mais lui, il a fait 500 épisodes, je pense que ça a pris 4 mois. Puis c'est ça, là, plein de monde qui sont dans la place. Johnny Gretis, il est là. Je pense que vous avez mis le doigt dessus. T'sais, on a rencontré du monde, on a fait des affaires. On continue de faire ça, on a du gros fun. Puis je sais qu'au minimum, aux 2 semaines ou aux 3 semaines, je vais avoir un moment où je vais m'asseoir avec vous autres autour d'une table. Je vais essayer de dire des affaires d'un micro. Essayez. Des fois, ça va sortir correct. Des fois, ça va sortir tout croche. Mais je vais toujours avoir du fun. Ouais. Puis ça a toujours été ça pour moi, le projet. C'est de partager cette passion-là qu'on a avec tout le monde. Il y a des visages qui sont venus, qui sont partis. Je suis content d'avoir Max et Guillaume avec nous autres aussi. Je suis content que vous soyez encore là. On a eu des discussions franches, on a fait des moments, on est allé à Ottawa, on s'est promené d'un bord puis de l'autre, puis on a fait du stock. On va le refaire. On va le refaire, puis on va continuer de le faire, c'est sûr et certain. Puis un jour, on va être sûrement payé pour faire ça. Ben, t'sais-tu quoi? Non? Ben, excusez. J'ai si boire. Non, mais parlant de payer, moi, honnêtement, là, je vais faire une plug qu'on fait pas assez souvent, là. Tu sais, il y a souvent des gens qui vont dire on fait ça pour la passion. Oui, c'est vrai, là. Mais je veux dire, André, là, je veux dire, on voit, il y a du gear aussi partout, là. Puis c'est tout lui qui a payé ça de sa poche. André, c'est un perfectionniste dans l'âme. Puis comme il disait tantôt, grâce à Eric, s'il n'y avait pas d'André, s'il n'y avait pas d'André, il n'y aurait pas de podcast. Puis si jamais il y en a qui veulent justement, qui ont pitié d'André, qui ont pitié d'Anne-Marie parce qu'André les passe pas d'argent sur les affaires du podcast. Je mange pareil, là, mais... On a un Patreon. Mais pas beaucoup. S'ils veulent nous donner une pièce, deux pièces, c'est facile. Faites une recherche Geek Collectif Patreon. Puis, mais c'est ça le podcast. On va prendre n'importe quelle miette de pain qu'il faut nous donner, là. Comme les mouettes. Anne-Marie veut un nouveau divan. Il n'y a pas de problème. Le podcasting, là, c'est. Le podcasting, c'est la radio indépendante. Il va falloir qu'on commence à l'avouer. Il va falloir qu'on commence à l'accepter. C'est de la radio indépendante qu'on a tout accès à si on décide de s'y mettre, de le faire. Puis la radio indépendante, ça fonctionne avec la communauté, les gens qui écoutent. On n'est pas en combat avec la radio. On est la radio. On est juste la radio accessible. On est un complément de la radio. On est un complément de la radio. C'est ça qui est important. Puis oui, nous autres, on va continuer de le faire, même si c'est pas en train de nous payer des chambres d'hôtel au Ritz. Mais le but, c'est que, aussi, tu sais, tes choses-là, ça l'aide toujours. C'est drôle, hein, j'ai fait la radio communautaire quand j'étais très jeune. Payais-tu des chambres au Ritz? Je faisais la radio communautaire, on faisait des fucking fun drives, man. C'était ça que c'était. C'était très important de faire des fun drives. C'était très difficile. On faisait des appels, on attendait. Pareil comme dans le temps, lorsque tu dois. Mais PBS, mais on faisait ça pour la radio communautaire. Mais c'est ça que c'est du podcasting, c'est une communauté qui s'entoure autour d'un produit qu'ils aiment, puis on est tous ensemble dans tout ça, on est tous dans un partage, puis merci André d'avoir parti toute cette gang-ci là-dessus, puis c'est ça. Check, man, on s'est promis Centre Bell pour le 100e, mais finalement... On ira manger à la cage. C'est ça. Hey! Fait que là... Le côté émotif est là. Un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous autres ce soir. Puis là, ce qui est cool en plus, c'est que on en avait parlé au début, mais on va avoir quelques tirages, donc des tirages de prix de présence. Est-ce que je peux participer? Non. Non. Mais je t'aime pareil. Je voulais tellement Ninja Turtle. Ben, en fait, oui, tu peux participer, Melter. Pense-moi les prix. Mais je gagnerai pas. Donc, sur ce, ben, gracieuseté de Pat et de Geek Stuff. 55-20, 52-20. On a des beaux prix. 52-20, vous vendez devant, devant la table présentement. Donc, on va tout placer. C'est stagé, c'est professionnel, ça n'a pas de sens. bonne question. Michael va te arranger ça. Fait que... Ce gars-là, il fait des jeux vidéo. Il sait déjà. Okay, sacrement, ça arrête pas, hein, il y en a du stock. Des beaux cadeaux en plus. En passant à Ben, à chaque fois que je rencontre du monde qui connaît pas Mickaël, j'aime ça dire qu'il fait des jeux vidéo, c'est pas non, juste quoi. Non, j'en veux pas mon char c'est vrai. Ça. Seul dans son sous-sol avec les sous sans haut. Donc, présentement, ce que j'ai devant moi, on a deux pop, on a un kit de Ninja Turtle. On a un Optimus Prime, je pense qu'il parle en plus. C'est ça? Ouais. Hot Topic Exclusive Talking Optimus Prime Interchangeable and Energon Axe and Blaster. And Blaster. Hey, il parle, c'est incroyable. On a un Joker de Suicide Squad, puis on a. Bah donc, ce soir. Attends, on a une figurine du chanteur de 30 Seconds to Mars. Ouais, il chante Walk on Water aussi. Oh! Fait que. T'écoutes souvent ça sur ton Spotify, c'est assis, hein? Je la trouve bonne, cette tune là, man. Je dis ça de même. Elle m'anime le matin. Eric. Je te mélange tout le temps, Asti, avec Eric aujourd'hui. Ça doit être à cause de mon amour pour Yé. C'est pour ça. C'est à cause qu'ils nous aiment les deux. Ma grand-mère fait la même chose avec moi, ma petite sœur. Je suis comme plus sûr comment j'interprète ça là. Fait que ce qu'on va faire. Oups, donnez-moi deux secondes. Il y a un fil à déplugger. Rick a déplugué un fil. Oh, c'est pas grave. Alright. Fait que premièrement, pour les gens dans la foule, ce qu'on va faire tirer, on va faire tirer les deux pop qui est ici. Donc, la première que. Tabarnak, hein? Oh! Hey, attends un peu. Je vais faire de quoi? Moi, j'avoue qu'ils sont primés. Oh. J'ai apporté ma blonde. Camille des. Hey, gang, c'est la caméra de foule! Hey! Non, moi. Donc, le monde qui a des liens d'amitié ou de parenté avec les membres du podcast ne peuvent pas gagner. C'est du quoi? On va enfreindre les règles ce soir. Donc, le premier item qu'on va faire tirer dans la foule, on a un pop de FN2199, also known as Badass Stormtrooper, qui se bat avec le lightsaber. C'est lui, ça? Gracieuseté de Geek Stuff. Fait que c'est génial. C'est Traitor, dans le fond. C'est le Traitor, c'est ça, c'est lui qui se bat contre le lightsaber. C'est pas Finn, mais c'est le gars avec le bâton, là, il est cool. Là. Il se bat contre Finn. Ben, il est pas cool, on l'aime pas, mais il est badass pareil, là. C'est le figurant le plus mémorable de toute l'histoire du cinéma, finalement, tu sais. C'est comme le Boba Fett des Stormtroopers. La... Oui. Sans la mort dans le Sarlacc, mais sinon tout va bien. Attends, il va mourir dans le 2. Ok, excusez. Donc, la première question qu'on va poser, c'est Quel est le super-héros du premier comic que Guillaume a acheté? Chris, même moi, je le sais. Punisher! Pas. Oh! Oh! Félicitations, mon cher! Miguel, Miguel, regarde-moi! La Rouge! Man! Donc, le ça, deuxième, lui, il est cool, par exemple. Qui a écouté Shaun of the Dead ici? Ouais. Oh! Ouais, ouais, ouais. Qui se souvient de la scène où Ed a une... C'est une pelle ou une pelle? Ed, c'est le gros. Une pelle, hein? C'est Nick Frost. Ça fait longtemps pas écouter ça, moi. Je me fais au flash. Bon, une pelle. Quelle question qu'on pourrait poser par rapport à ça? C'est vrai, tu aurais de poser la question. Pourquoi Eric aime EA? Ah, c'est ouais, tellement non, on n'a pas le temps pour ça, Eric. Hey, c'est ça, c'est ça. Bon, ok, fait que vu qu'on connaît ce film-là, moi je le pitcherais juste dans la foule puis je regarderais se battre pour l'avoir. Je te laisse poser une question à l'audience. C'est quoi le... Pose la question. C'est quoi les trois films dans la Cornetto Trilogy? Oh! The Dead, Hot Fuzz, The World's End. On a un ici. Ça, c'était comme... Il s'en allait là. Ça fait trois heures qu'il attend de dire ça. On est parti avec celle-là aussi, Pat? Julie, tu le savais, celle-là. Hein. Bon, regarde, celle-là ou celle-là? Celle-là, ça? On va y aller avec le Transformers. Il en faut pour les auditeurs live. Ben, c'est un peu ça qui va arriver. Fait que, pour gagner un Optimus Prime, quel personnage perd la vie dans le film Transformers animé des années 80? J'étais même pas né. Et voilà! Oh! Oh! C'est quel toutes les autres, genre toute la gang? Il y a beaucoup de tes noms après l'autre! En tout cas, un moment donné, dans le pendant 5 minutes, il y a genre plein de bonhommes qui meurent. Tout le monde meurt! Puis là, ce qui est intéressant, c'est que pour les autres cadeaux, on va les garder pour les auditeurs qui vont être en ligne, et les auditeurs qui vont écouter tout ce qui est le download. Fait que vous êtes dans la foule, vous l'avez écouté, vous allez pouvoir reparticiper quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques questions qu'on va publier sur la page du collectif. Et on va inviter les gens à aller liker la page de Geek Stuff en même temps, parce qu'il a quand même donné 250 pièces de cadeaux. Fait que, allez puis une salle gratuite. Puis une salle gratuite, puis de son temps, puis un paquet d'affaires. Fait que, merci Pat, merci à Geek Stuff, c'est un joke, guys. Merci beaucoup. Un gros merci. Et 11h30, t'as hâte d'arriver chez vous. Fait que, on va closer cela, mais surveillez la page du collectif, puis surveillez la page de Geek Stuff aussi également. On va vous donner les détails et les questions auxquelles vous allez avoir besoin de répondre pour se mériter ces super beaux prix. Fait que, guys. Peux-tu me faire un faux profil participer? Non. Juste, tu t'appelles Milter Lou. Ok, ouais, Milter Lou. Donc, photo de char comme Heather. Ce que je voudrais vous dire, c'est tout simplement, c'est que pour la 100e fois, mon nom est André Paquette. Ça fut un immense plaisir d'être avec vous ce soir pour un enregistrement du collectif. Donc, sur ce, ben, on se revoit pour la continuité de la saison 1. Puis pour ceux qui se demandent encore pourquoi la saison 1, ben, Chris, écoute les 97 autres. Tu vas catcher un moment donné. Et sur ce, merci à tous et passez une bonne soirée. Merci. Yeah.